On est les champions, putain! On est les champions! Non mais tu le crois ça? On est les champions! Non mais c'est fou! Bon, le MHB est une nouvelle fois au firmament du handball continental. 14 titres de champion de France, 13 coupes de France, 10 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions et désormais 2 Ligues des champions. Montpellier est sur le toit de l'Europe! Et bonsoir à tous, c'est le 31e opus de Sport & Chill en cette saison 4. Et puis, petit renouvellement d'effectifs hein, pour l'occasion. Vous êtes bien sur Radio Campus Montpellier. Et non, ce n'est pas Flo ce soir qui anime, c'est moi Romain et avec une belle bande de chillers autour de moi. Je vais peut-être commencer tout simplement par les présenter dans une émission qui sera marquée par le football et la Formule 1 notamment. Et puis, tout d'abord, on va lui faire honneur, un retour, un ancien, un supporter de Saint-Etienne, un fan de NBA, de boxe, Monsieur Bialès, bonjour. Bonjour, ça fait plaisir de vous revoir, enfin, je vous suis à distance et là je remets un pied dans le plateau qui a bien changé, bien modernisé, ça fait plaisir. Ah, il y a de l'évolution effectivement, on a même un petit écran vidéo. Il y a de la subvention. Ah ouais, la technologie. Ouais, on peut jouer au poker en direct en fait. Bon Alex, petit hommage à Alex, bonsoir Tim également. Bonsoir à tous, salut. Et on a également Jules et Guillaume sur notre bloc. Bonsoir. Un beau programme, je vous le disais, donc dans cette émission. On est aussi accompagné par Michel qui interviendra au moment du quiz à nos côtés. Beaucoup de résultats, c'est une riche actu de ce printemps, avec notamment du football, de l'NBA, du cyclisme, du tennis et bien d'autres choses. Dans cette émission, on aura bien sûr notre rubrique Montpellier-Rennes, comme de coutume. Merci. Un débat qui va bien nous faire discuter. On se régale toujours avec notre Ligue 1. Bah là, elle va nous régaler encore plus. Petit coup de gueule, non? C'est comme mécontentement, peut-être. Comme dirait Tim, ça va lancer des gobelets de pisse ce soir, je crois. On a peur. Ça ne fait pas plaisir, mais bon. Et puis, bien sûr, une parole est aux Chillers dédiée à la Formule 1. Et on conclura l'émission autour de notre quiz actualité concocté par Guillaume. Justement, sans transition, les résultats de la semaine. Sport & Chill, les résultats. Eh bien, on va démarrer tout simplement par le football ce soir avec deux sujets qui vont nous occuper. Un titre inattendu, celui du Stade Rennais en cette finale de Coupe de France et également la course au titre en Première Ligue. Guillaume, je te laisse la parole. On commence par quoi? Moi, je dirais peut-être au football français, allons-y. Allez, la finale de la Coupe de France, on finira en beauté sur la course au titre. Et la belle histoire quand même de ce week-end en France, avec la victoire du Stade Rennais en Coupe de France, premier titre depuis 1971 pour l'équipe rennaise, qui était un peu le flambeau de la Fédération Française de la Loose récemment avec le porte-drapeau. Ouais, le porte-drapeau, voilà. Avec les finales perdues et qui réussit à enfin gagner après un vrai exploit parce qu'ils étaient menés quand même 2-0 au bout de 25 minutes, il me semble. On donnait plus cher de leur peau. Paris était serein. Était serein. Puis avec le retour de Neymar, tout ça. Dans un match en jeu, on s'est dit que ça y est, Paris ne passera pas à côté en menant 2-0. Puis, comme d'habitude récemment, j'ai envie de dire avec le PSG, faut pas vendre la peau de l'ours. Et ça s'est retourné encore une fois contre eux avec une égalisation en deuxième période par Mécher. Le PSG qui perd encore une occasion de remplir sa vitrine de trophée. Alors, ils seront champions, mais bon, c'est pas suffisant pour un club comme ça. Qu'il y a la forme aussi. Voilà, il y a la forme aussi, mais ça, on en parlera plus tard dans le débat, je pense. Moi, je voulais plutôt m'axer sur le Stade Rennais qui, après leur parcours en Europe, qui leur a coûté beaucoup de points en championnat, par contre, c'est pas. Heureusement qu'ils gagnent parce que. La saison est sauvée là. La saison est sauvée, parce qu'après, tu seras 10e, t'auras pas de Coupe d'Europe, donc c'était important pour eux de gagner. Et je voulais aussi souligner la performance de Julien Stéphan qui reprend l'équipe en décembre, qui ne perd pas, je crois, jusqu'au mois de janvier ou fin janvier, qui a imprimé sa patte très vite sur l'effectif, qui démontre des qualités et un style de jeu, même un style de communication qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le football français, qui ça dénote un peu. Alors oui, c'est le fils d'eux. de l'entraîneur adjoint de l'équipe de France, mais je pense qu'il n'est pas du même, du même moule que le... C'est pas la même génération, on le voit de suite dans la façon d'approcher la communication et même dans le style de jeu, on voit que c'est... Je ne trouve pas dans le moule des entraîneurs français de sa génération. Je trouve on sent qu'il n'est pas formaté, en fait. Voilà, il a un jeu beaucoup plus offensif, plus libéré, moins calculateur que certains entraîneurs de sa génération. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien dans le football français. Un peu des jeunes entraîneurs comme ça. Et puis aussi, cette, je vais extrapoler un peu sur la Coupe de la Ligue aussi, et puis sur la Coupe de la Ligue, parce que le trophée des champions, c'est pareil qu'il a gagné, mais est-ce que c'est pas aussi un bien pour le football français que d'autres équipes, que le PSG gagne les Coupes nationales? Mais moi, je trouve que Rennes a fait une très belle saison. Alors évidemment, faut pas retenir que le milieu de tableau, parce que évidemment c'est pas révélateur de leur saison, mais moi j'ai aimé leur ambition dans toutes les coupes qu'ils ont entrepris, quoi. Coupe de France, ils n'ont pas eu peur, ils ont eu un tirage compliqué en allant jouer à Lyon et ils les avaient quand même sortis. Beaucoup d'équipes seraient dit, on se retrouve en finale contre Paris, bon bah là c'est normal qu'on perde. Bah finalement ils ont été en mené 2-0 en fait. Ouais, on est en mené 2-0 et tu vois qu'ils n'ont pas lâché. Tu te dis peut-être aussi que Paris, il y a des moments où ils ont des instants de faiblesse, où ils n'ont pas tellement la confiance au maximum. Donc il y a un quoi faire, donc ils ont osé aller les chercher. Bon, ils gagnent au tir au but, mais... Mentalement, je les ai pas vus lâcher en tout cas. Non. Puis et même en championnat, ils prennent pas l'eau quoi dans le match. Ouais, mais à part le score 2-0, ils prennent pas l'eau, ils sont pas sur leur but. Ils ont tenu, mais après ils réagissent quoi. Ils savaient qu'avec un but, ils pouvaient reprendre un peu espoir et puis ils y ont cru jusqu'au bout et c'est pas l'équipe qui a attendu d'aller au péno comme les équipes amateurs. Non, c'est fond, ça, exactement. Ouais. Non, ils ont joué le jeu et puis ça finit par tourner parce qu'ils y ont cru jusqu'au bout. Puis voilà, c'est une belle saison parce que souvent les clubs français privilégient surtout le championnat. Et allez, maximum une coupe en plus. Là, ils ont essayé de jouer sur trois tableaux. Bon, évidemment, vu l'effectif en championnat, t'es obligé de perdre un peu de points. Mais ils ont osé, ici, en Coupe d'Europe, ils ont fait un très beau parcours. Et puis ça prouve que ça marche, puisque au final, ils se qualifient pour l'Europa League. Voilà, ils remportent final, un titre. Ça aurait été dur pour eux, de pas être qualifiés, vu la saison qu'ils ont fait et vu la qualité de jeu qu'ils ont proposé en plus. Et puis ça, ça aurait donné tort, enfin, ça aurait donné raison aux conservateurs qui vont dire ah bah alors, il faut jouer le championnat et rester frileux en Europa League. Et là, Rennes qui dit il y a une petite justice pour une fois. Je trouve ça très intéressant parce que le PSG a gagné les 4 dernière Coupe de France, effectivement, l'année dernière. Ça fait pas de mal aussi. Voilà, déjà, ça fait du bien d'avoir du renouvellement. Les deux coupes ont été remportées par d'autres équipes. Bon, ce sera sans doute pas très fréquent, mais ça montre en tout cas que c'est possible de le faire. Voilà, c'est ça. Et puis, l'autre élément que je voulais souligner, c'est Rennes. Rennes, effectivement, l'année dernière, se qualifie pour l'Europa League en étant bien classé en championnat. Mm-hmm. Finalement, cette année, ils sont moins bien classés, mais ils auront fait vibrer plus leur public et plus tout le public français en allant chercher, comme tu le disais, Tim, et c'est pour ça que je vais vraiment dans ton sens, un titre et finalement, ils retrouvent la Coupe d'Europe. C'est sûr que tu demandes, je pense au Rennes entre l'année dernière et alors qu'ils ont fait un bien meilleur classement et cette année, forcément en termes de souvenirs et d'histoire, forcément cette année sera bien plus marquante. Ouais. Même s'ils avaient eu juste une finale, tu auras eu quand même ce 8e ou la Europa League où tu vibres un peu. Là, tu fais une finale de Coupe de France, au pire, ça aurait été quand même une saison encore plus marquante. Donc ça prouve qu'il faut oser jouer sur plusieurs tableaux, même si l'effectif n'est pas aussi pléthorique que celui du PSG. Quand tu oses, au bout d'un moment, ça paye un peu. Ouais. Mais aussi, c'est porté par le fait qu'ils ont un coach ambitieux qui transmet ça à ses joueurs, et ça se voit. Après, ce qui est dommage pour les deux coupes qui n'ont pas été remportées par le PSG, c'est que ça bloque des places européennes pour Montpellier, notamment. Montpellier fait une très bonne saison, qui au final va peut-être se retrouver, qui va certainement se retrouver sans place européenne. Après, est-ce que c'est pas mal pour un bien pour un club comme Montpellier, parce qu'on parle de beaucoup de Saint-Etienne en Coupe d'Europe, enfin en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe ils peuvent gérer, mais en Ligue des Champions, est-ce que ce serait pas non plus trop actuellement pour le club, pour les supporters évidemment c'est génial. Ah oui, mais pour le club viser plus haut toujours, mais après évidemment. Et c'est pareil pour Montpellier, je pense. Lyon est plus disposé à être cohérent, on va dire, en Ligue des Champions qu'un club comme Saint-Etienne, mais bon, faut bien qu'à un moment aussi passe un peu le palier, quoi. Ouais, et puis y croire, quoi. C'est y croire. Hein. Sinon, tu te dis bon, la 4ème place, on joue la 4ème place, on se contente de ça. Bon ben. Ah, moi je suis d'accord. Forcément, on se dirait tous, ils sont pas ambitieux, ils ont certaines plafonds de verre. Après, dans l'occurrence, pour un club comme Saint-Étienne, là, de finir quatrième, ils auront déjà franchi un palier. Ah oui, c'est déjà bon. Finir déjà devant l'OM, je suis pas sûr que ça arrive, soit derrière saison. Rester dans le top 5, donc déjà, tu peux le mettre c'est en avant. Déjà un beau palier, et puis bon, si la 3ème place devant Lyon, c'est que du bonus. Ouais, après, il n'y a pas trop sur ça. Non, mais moi, de toute façon, moi, intérieurement, j'y crois pas, mais. Tiens, calmez-vous. Voilà, faut. dans la vie, il faut toujours garder espoir. Prendre du recul. Et très clairement, effectivement, saison payante pour les clubs qui auront tenté, qui ont voulu proposer autre chose, à l'image de Rennes et Strasbourg dans les Coupes Nationales, ou là, et Saint-Etienne, comme vous le disiez. On reviendra au foot français dans le débat. Certes, dans un autre championnat, on a eu un titre, je le dis quand même, le FC Barcelone a remporté son 26e titre de champion d'Espagne. Mais on va parler plutôt, parce que c'est là où c'est palpitant cette saison, de la Première Ligue, avec une course au titre effrénée entre Liverpool et Manchester City. Oui, une course, c'est même plus une course, là, c'est un road trip. Liverpool et City qui se tiennent, oui, depuis janvier, finalement, du moment où Liverpool a pris 7 points d'avance et qui les a perdus en deux matchs. City qui est repassé devant, mais les deux équipes ont un parcours exceptionnel. Je pense que ça doit être un record. Le deuxième, donc Liverpool, logiquement, risque d'être deuxième, donc avec 96 points. Ouais, c'est hallucinant. C'est fou. Ouais. Ça serait terrible pour eux, parce que c'est la première ligue. Et c'est, oui, donc ma question, elle est simple. Est-ce que City va craquer? Non, moi, dites oui. Non, moi, comme je te disais avant qu'on commence l'émission, City, en fait, je pense que la saison, leur championnat, il s'est joué au moment où ils ont été éliminés contre Tottenham. Du moment où ils ont eu. Enfin, c'est une grosse désillusion pour Guardiola d'avoir été sorti par Tottenham, surtout au vu de la physionomie du match, où c'est joué à des détails, à des faits de match et des faits de jeu. Et là, en première ligue, cette victoire extérieure 1-0, je pense qu'elle n'est pas anodine. Et puis là, ils sont quand même sereins, même dans le développement du jeu sur le terrain. Je ne les vois pas craquer sur les trois matchs qui viennent. Je pense que Guardiola, tous les jours. Vous avez en tête un petit peu deux matchs. Bon, justement, les deux derniers matchs que City ont joué, peut-être le rappeler. Le calendrier, City reçoit Leicester et se déplace à Brighton à la 38e journée. Leicester, ils sont en forme. Laisse-moi espérer. C'est la seule chance, clairement. C'est mettre 3-0 Arsenal. Après, c'est pour finir avec le calendrier Liverpool. Liverpool va à Newcastle et reçoit Wolverhampton. Donc, pareil, ça peut être 6 points aussi. Le déplacement de Liverpool est plus compliqué que celui de City, je pense. À Newcastle. Oui, à Newcastle. Ouais. Mais c'est encore Benitez d'ailleurs à Newcastle. C'est une bonne question. Si c'est encore lui, c'est un ami, donc ça va le faire. Je crois que oui. Mais surtout, Newcastle est sauvé, non? Oui, Newcastle, ouais. Tout le monde les a enchaînés les résultats. Ça peut faire 6. Mais donc, oui, après, sur les dynamiques, c'est vrai que City a été éliminé de Ligue des Champions. C'était vraiment l'objectif principal du club. Et j'ai pensé à un moment que ça leur coûterait cher dans la course au titre. Mais ils sont pas si sereins que ça. Ils gagnent Tottenham 1-0 après l'élimination. Hier, ils gagnent 0 à Burnley. Le but, il est ce qu'il est, mais le ballon est rentré, donc il est rentré. Mais c'est vraiment un but de raccro. Ils vont chercher comme ça. Par rapport à Liverpool qui enchaîne 5-0 contre Huddersfield, tout ça. Vu de l'extérieur, si tu parles en termes de jeu, forcément Liverpool, ça paraît plus agréable, plus efficace, peut-être plus alléchant. Et c'est vrai que sur l'année dernière aussi, ils nous avaient vraiment impressionné. Moi, Liverpool. C'était quand même un jeu agréable, surtout en Ligue des Champions, voilà. Et c'est vrai que ça aurait fait un beau champion pour la génération qu'ils ont là. Ouais. Mais bon, City, il faut dire que depuis quelques années aussi, ça reste un peu. De toute façon, les deux font une saison incroyable. Ouais, les deux ont 96 points, c'est quand même très fort. Et c'est vrai que c'est particulièrement du coup affreux de voir qu'une de ces deux équipes ne sera pas championne avec potentiellement une seule défaite dans la saison, c'est vrai. Donc City. Totalement exceptionnel contre City pour Liverpool. La différence, elle est là. Et ce qui est terrible et que je voulais signaler, c'est que finalement, on peut aussi se demander si City va pas être champion. Mais bon, ça reste une saison exceptionnelle, donc bien sûr ce sera un beau titre de champion, mais déçu sur le bilan de la saison avec cet échec en quart de finale en Ligue des Champions. Et dans le même temps, alors on verra le parcours de Liverpool en Ligue des Champions, on va la gagner. Mais ça peut être c'est tout ce que je vous souhaite. Ça peut être une désillusion en tout cas, effectivement, avec s'il y a de nouveau échec en championnat, même si ça se joue après Guillaume, s'il y a victoire en Ligue des Champions, ce sera une belle saison quand même. Ah oui, non, mais ça sera vite oublié. Oui, Guillaume le sait, de toute façon, Liverpool, c'est enfin la Ligue des Champions a toujours marqué l'histoire de ce club. Donc Liverpool, c'est impossible pour eux de mettre entre guillemets au second plan la Ligue des Champions. Ah oui, non, c'est le club actuellement, plus grand succès. Actuellement, je pense qu'ils préféraient gagner le championnat que la Ligue des Champions. Mais ça fait tellement longtemps que leurs supporters attendent ça. Pour eux, c'est impossible de la Ligue des Champions. Enfin, les plus grandes anecdotes de Liverpool, c'est la Ligue des Champions. Oui, je pense que tu parles à un supporter à Liverpool, il va te dire ah oui, j'y étais à Ligue des Champions cette année-là. C'était. Ne reparlons pas trop de 2005. Donc voilà, ils peuvent pas. Même si c'est vrai que ce championnat, il l'attend, et je peux comprendre que là cette année, ça va être très frustrant. De toute façon, il reste 5 matchs. dans le meilleur des cas, avec la demi-aller-retour, et le, ce sera 5 fois l'équipe type. Hein. Et ah, ben là, ah oui, le club va plus calculer, c'est terminé. De toute façon, les joueurs, là, mentalement, ils sont prêts. Ils auraient tort, de toute manière, de ne pas le faire. Et pour terminer cette rubrique, on se positionne. Tout le monde dit Manchester City ou quelqu'un tente la carte Liverpool? Bon, Guillaume, pour le cœur. Même pas, même pas. Même pas. Tout le monde est assez. J'avais espoir face à Burnley, mais. C'était ouais. Le seul espoir Burnley, pardon. Il suffit d'un match nul. Ah oui, il suffit d'un match nul, oui. Le vieux match nul de Racro, oui. Mais bon. Faire du bien, celui-là. Mais est-ce qu'on va pas le faire Liverpool aussi, tu vois? Ouais, ça peut arriver aussi. Ouais, physiquement, c'est plus dur pour Liverpool, je pense. Effectivement. Ouais, parce qu'ils vont courir au Camp Nou la mercredi. Affaire à suivre, en tout cas. Et 4 matchs, effectivement. 2 pour City, 2 pour Liverpool, qui sur le papier sont pas forcément si alléchants, mais que, bien sûr, on vous encourage à suivre. Avec intérêt. Il y aura du suspense. Qui vont se voir avec particulièrement d'intérêt. On passe justement à un autre sport dont on va justement parler, c'est la NBA, et je donne la parole du coup à Tim et Guillaume. On est dans le cœur des playoffs, on vient de passer le premier tour, et c'est assez intéressant. Bon, alors on s'est répartis par conférence, donc tu veux commencer, je commence. Vas-y, commence. Allez, je commence. Alors moi j'ai pris en charge la conférence Ouest et Guy la conférence Est. Alors donc ouais, il y avait les playoffs qui ont commencé, donc déjà ça s'est clôturé, il y a eu une très belle série qui s'est clôturée, c'était Denver contre les Spurs, et Denver qui, je veux pas dire la surprise, mais qui a fait preuve d'un gros caractère pour s'imposer à domicile dans le match 7 contre les Spurs, avec une fin de match qui a été vraiment haletante, vraiment Denver et Spurs qui se sont livrés un combat de bout en bout sur la série. Et ce qui a fait la différence sur ce match, c'est peut-être un Nikola Jokic qui a été vraiment au niveau de ce qu'il a montré sur la saison régulière, c'est-à-dire quelqu'un de clutch qui transporte l'équipe. Murray a fait très mal aussi, il a fait très mal surtout dans le dernier quart-temps. Ces deux flotteurs font très mal aux Spurs. Au final, les Denver qui s'imposent donc, avec donc Jokic en triple-double. Donc ça, c'est à noter. C'est à noter aussi que Denver aura joué 7 matchs par rapport à Portland qui en aura joué 2 de moins. Ça peut faire la différence aussi. Donc voilà. Les Warriors avaient clôturé la série contre les Clippers 4-2. Des Warriors un peu en demi-teinte, un peu relâchés, un peu en dilettante, notamment ce comeback incroyable qui n'était jamais arrivé dans l'histoire des playoffs. Vous avez, je crois, une avance de 32 points contre 31, il me semble. 31. Mmh. Et qui finalement se sont fait rattraper. Ouais, c'est la première des 2 victoires des Clippers. Ouais, c'est ça. Et là, vraiment, c'était. Je l'ai perçu comme un excès un peu de facilité, un excès d'arrogance un petit peu des Warriors. Et les Warriors qui tombent plus que de coutume à domicile. Ouais. Non, même en saison régulière, ils n'étaient pas imprenables cette année. Ils ont perdu plusieurs matchs, notamment 2 face aux Rockets. Ils sont un peu moins souverains. Après, là, c'était vraiment le premier test. C'était le début de la série contre les Warriors à l'Oracle Arena. Puisque Golden State, comme vous le savez, ils ont terminé premier, donc ils ont l'avantage du terrain. Et un match, ça a été un combat contre les Rockets, qu'ils se sont vraiment livrés de bout en bout. Au final, victoire 104 à 100 pour les Warriors, avec l'homme du match qui est Kevin Durant, hein, qui a été vraiment en mode MVP avec 35 points, 5 rebonds, 3 passes décisives. Même si James Harden en face, il n'a pas été en reste, hein, 35 points. Mais comme tu le disais, Jules, en préambule, pas nécessairement réussite au shoot. Il rate notamment un 3 points important à 100-300 pour les Warriors. Ouais, ça aurait pu faire basculer. Ça aurait pu amener en prolongation, qui sait ce qui serait advenu. Mais au final, voilà, victoire des Warriors. Et voilà, donc les Warriors qui prennent l'avantage dans la série, ce qui m'amène à vous poser une question. Dans la mesure où les Warriors ont l'avantage du terrain, ça veut dire que le match 2 se jouera à l'Oracle Arena. Moi, je me pose la question, est-ce que ce match 2 n'est pas déjà décisif, dans la mesure où si les Warriors s'imposent, ça fait 2-0. Est-ce que pour vous, c'est peut-être déjà ce match de la série qui est le plus important? Bah oui, parce que moi, par rapport à l'an dernier, je les vois moins solides, Houston. Mmh. C'est l'impression qu'ils m'ont donné, en tout cas. Donc, je pense... Les Warriors, moi aussi. Ouais, les Warriors sont moins, mais du coup il y a toujours un décalage qui fait que tu vois les Warriors, on va dire, largement favoris, hein, pour moi. Donc deuxième match pourrait être déjà décisif, parce que je vois pas après un inversement. Donc j'ai hâte de voir celui-là. Il va être, je pense, un peu plus intéressant. Peut-être Jules. Ouais, mais c'est vrai qu'ils sont passés, ils sont pas passés loin là au premier match pour surprendre Golden State. Et ça leur ferait très mal de perdre le deuxième match juste derrière. Après, on sait qu'ils ont adopté la technique de changer sur tous les écrans. face à Golden State pour éviter les shoots ouverts. Et du coup, c'est ça fait si que, bien, mais... que Kevin Durant, il y a souvent des mismatchs en, en défense. Ils ont beaucoup de mal à le contenir parce que si t'es, si t'es assez mobile, il est trop grand pour toi. Si t'es, si t'es grand, il est trop rapide pour toi. Donc, il est polyvalent. C'est vraiment, il s'infiltre c'est dans la raquette et en shoot à 3 points, il est là aussi. Donc, vraiment injouable, KD, là, en ses débuts de playoff. Ouais, surtout, ouais, surtout que je pense que c'est pas une très bonne nouvelle pour les Rockets, c'est que Stephen Curry a fait un match plutôt moyen. Oui. Et il pourrait vraiment se réveiller au match 2, par exemple. Et si jamais un Klay Thompson commence également à se réveiller au match 2, ça pourrait faire mal. C'est aussi la force des Warriors, effectivement. C'est qu'il y a des joueurs qui passent par un moment là, cette saison à côté, mais à chaque fois, du coup, il y en a un qui remplace l'autre sur le match suivant. Mais après, ça, par rapport aux autres années, ils ont un banc un peu plus faible. Ouais, ça pourrait leur coûter. C'est ça, ça pourrait leur coûter cher après. Ils ont 5 de pivot. Surtout qu'ils ont tapé deux matchs en plus inutiles. Voilà. Les Clippers. Surtout les Clippers qui se sont bien accrochés au premier tour, qui leur ont donné vraiment beaucoup de mal. Voilà, oui. Mais je pense que même avec des gros matchs des Clippers, ils pouvaient gagner 4-0. Mais Houston, je pense qu'en plus, il se repose un peu beaucoup sur James Harden. Qui il est stratosphérique, quoi. Il fait taulier, mais je pense qu'il a manqué un King Capella vraiment meilleur, par exemple. Ça peut pas tenir, il suffit qu'il rate un match. Ouais, puis derrière, après 25 points, bah, intrinsèquement, il prend tellement de shots qu'il en rattrape un. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Il sera jamais moyen, il fera toujours un bon match. Oui, c'est vrai, oui, mais. Au niveau d'excellence, après, c'est. Voilà. J'avais juste une deuxième question, l'autre match qui est ce soir d'ailleurs. Denver qui accueille Portland, comment est-ce que vous voyez un petit peu la physionomie de ce match? Comme je disais, Denver qui a joué donc deux matchs de plus par rapport à Portland, et Portland qui, moi personnellement, a fait vraiment forte impression contre OKC avec un Damian Lillard monstrueux. Donc j'aimerais bien savoir comment vous percevez ce match, quels sont pour vous le favori? Quel est pour vous le favori? Moi je pense que la série peut être malgré tout intéressante, serrée, dans le sens que finalement Denver montre plus de force dans ses playoffs que prévu. Pour autant, je fais tant au vu de effectivement déjà de l'énergie dépensée que de ce qu'ils ont prouvé lors du premier tour des playoffs, de Portland mon favori. Voilà, si je devais vous donner une finale de conférence, pour moi ce serait Warriors Portland. D'accord. À l'Ouest. Voilà. C'est pas forcément l'affiche qui aura lieu. Moi c'est la tendance que je sens. C'est peut-être l'heure de Damian Lillard enfin en playoffs. Il a jamais eu beaucoup de réussite. Ouais. Ah, pour avec l'apport de CJ McCollum en plus. Voilà. En plus ils ont perdu Nurkic. On pensait que ça allait être compliqué pour eux, et au final, Portland, c'est une équipe chaque année. Lillard les porte à bout de bras. On va pas se mentir sur leur effectif, il fait pas rêver. Pourtant, chaque année, ils sont là, ils sont en playoff. Et cette année, je pense que ça pourrait être leur année pour aller en finale de conférence. Moi, je les vois aussi légèrement favoris face aux Nuggets parce qu'il y a, déjà, il y a l'expérience en playoff qui est plus importante du côté de Portland. Bah, parce qu'à Denver, elle est inexistante déjà. Donc, ouais, forcément. Et surtout, il y a cette énergie de Lillard, forcément, de gagner de cette manière-là, qui a amené tout son groupe. Et c'est, je trouve, une équipe très solidaire qui défend bien tout ça. Donc, je pense que ça peut être un candidat très crédible pour la conférence Ouest. Après, sur qu'arriver après face aux Warriors, ça semble léger. Ça sera beaucoup plus compliqué, ouais. Ah ouais. Wait and see pour ces deux affiches. On va peut-être passer à la conférence S pour avoir le temps de toucher quelques mots. Il y aura moins à dire du coup parce qu'il y a eu moins de suspense sur cette semaine. Les qualifications assez logiques et attendues, assez larges même, des Bucks, de Boston, de Philadelphie et des Raptors. Deux sweeps notamment. Ouais, donc c'est quand même. Il y a eu 2-4-0, 2-4-1. Ouais. Donc ça montre que ça a été largement dominé, comme on l'avait vu sur la saison régulière, par ces quatre équipes-là à l'Est. À l'inverse de la conférence Ouest, on voyait vraiment un top 4 se détacher. C'est vrai qu'il y avait un gap entre les 4 premiers d'autant et plus 5, 6, 7, 8. Alors évidemment, il y avait sur quelques équipes, on pouvait s'interroger, comme les Bucks qui avaient fait une super saison régulière. On s'est dit, qu'est-ce que ça va donner en play-off? Il y a une petite interrogation entre guillemets. Après, mais l'adversaire est trop faible, honnêtement. On sait que ça serait très compliqué. Philadelphie aussi a bien confirmé, je trouve, c'était une équipe que j'attendais de voir dominer largement, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc là, je pense à l'Est, on va rentrer dans le vif du sujet avec des vraies confrontations, où là, on va pouvoir voir qui peut se dessiner, si Boston reste quand même le taulier, ou... Les tauliers qui ne l'étaient pas en phase régulière, et je pense que tu fais évocation finalement au match d'hier soir. Face aux Bucks, où ils montrent que Boston, en mode playoff, c'est, ouais, il y a cette expérience qui fait que on peut être un peu en dessous en saison régulière, mais quand on arrive en phase play-off, on reste quand même le taulier de cette conférence. Avec, surtout avec maintenant qu'il n'y a plus comme Cleveland. Erling, comme Alorford hier pour défendre sur Giannis. Voilà, c'est, en plus c'est une équipe qui se connaît de mieux en mieux, qui a appris de ces dernières années où ils ont un peu mangé du pain noir quand il y avait Cleveland dans leur conférence qui était plus en forme. Et maintenant on sent qu'ils arrivent à une certaine maturité où ils peuvent maintenant eux mettre les tartes à l'est et montrer que c'est eux les tauliers pour aller en finale. Ça fait plaisir de revoir un tableau à l'est ouvert cette année avec quatre belles équipes qui pourraient aller en finale. Philadelphie notamment, on attendait l'an dernier, ils nous ont un peu surpris entre guillemets, ouais, c'était un peu le début de l'ascension, le vent de fraîcheur, on s'est dit qu'est-ce que ça va donner cette année, et puis d'entrée ils ont confirmé, ils ont montré qu'en saison régulière ils seraient là, et en play-off voilà, ils ont balayé facilement, donc ils ont montré que aussi c'était une des équipes montantes dans cette conférence Est, et on aura hâte aussi de les voir. Après voilà, les Raptors on sait maintenant depuis quelques années que ça reste un des tauliers quand il fallait qu'ils franchissent un cap en playoff. Voilà, Kawhi Leonard il sert à ça, Kawhi Leonard c'est vraiment pour leur faire franchir un palier. Ouais, on va voir cette année maintenant, et là pour il a vraiment assumé son statut au match 1, parce que il a fait un match énorme, 36 points. Quand il est à son meilleur niveau, c'est un des joueurs vraiment physique. Clés, un des meilleurs joueurs. Il est quasiment indéfendable. Ouais, aussi bien offensivement que défensivement. Ouais. Donc voilà, c'est à l'Est, on va suivre. La semaine va être très intéressante à l'Est, parce que ça va être une demi-finale beaucoup plus intéressante que cette semaine où ça a été, ça a été des scores assez larges. Ouais. Je le pense aussi, et de mon côté, je serais même encore plus intéressé par les demi-finales à l'Est. Après, ça reste personnel, mais aussi au vu de l'évolution récente de ces équipes. Et puis bon, j'ai un petit faible pour les Boston Celtics, donc raison de plus. On va bien les revoir au niveau. Sur cette bonne petite rubrique NBA, on va passer à un autre sport qu'adore Guillaume et Tim. On va passer au cyclisme. On était sur. J'ai cru que j'allais me dire tennis en fait, non. Et non, justement, c'était volontaire. Bon, c'était pas mal. Mais on y viendra, bien sûr. Il y aura le tennis dans notre rubrique, même si un petit peu moins longtemps que d'habitude. Donc le cyclisme avec la fin des classiques qui avaient lieu tout au long des deux dernières semaines, finalement, en l'espace d'une longue semaine. Nous sommes passés donc sur les classiques ardennaises. On s'était quitté lors de la dernière émission sur la dernière classique flandrienne, le Paris-Roubaix, deuxième course la plus célèbre en France après le Tour de France. Que j'ai regardé, moi, Romain. Que tu as regardé, en plus. J'ai regardé. Moi, je veux la victime là sur le Paris-Roubaix. Je te jure, j'ai regardé Paris-Roubaix. Qu'est-ce que t'en as pensé alors? Eh bien, écoute, j'ai été surpris. C'est arrivé dans le stade là avec les deux tours et le sprint final. Ça... Les deux tours. On s'est bien désadonqué là. J'ai trouvé ça pas mal. Pas désagréable. Non, mais ouais, je pense que il y a cette spécificité qui est sympa. C'est un classique à regarder, c'est plutôt Paris-Roubaix, je pense. Voilà. D'autant plus, ouais, je pense. Parce qu'il y a plein d'aléas. Il y a plein d'aléas. Et c'est vrai que c'est la seule course dans le calendrier d'ailleurs qui arrive sur un vélodrome après avoir pourtant passé par des pavés. Donc c'est une course. 23 secteurs pavés. 23 secteurs pavés, mais il commence à se former. 29 En tout cas, il est dans le bon ordre d'idée. C'est bon. Il y a du changement dans cette émission. Ah non, il y a du changement. Il y a un plateau qui change. Tim qui me parle cyclisme. ça évolue. C'est un bon changement. Ouais. Ouais. Et justement, on y vient. Donc, effectivement, les classiques qui avaient lieu cette semaine, ce sont les Ardennaises, le triptyque Ardennais. On avait démarré dimanche dernier avec l'Amstel Gold Race qui a vu l'avènement d'un prodige néerlandais, fils de Adrie Van Der Poel et petit-fils d'un certain Raymond Poulidor, un petit peu connu en France, Mathieu Van Der Poel, qui allait chercher une Amstel Gold Race qui était peut-être une des plus belles de ces dernières années, même si très cruelle pour les Français, sachant que dans le dernier passage du mur du Cauberg, le duo qui sera d'ailleurs le duo de ces classiques ardennaises, Julien Alaphilippe, Jacob Fuglsang pour l'équipe Astana s'était détaché. On pensait qu'ils l'emporteraient même assez facilement. Ils avaient plus de 50 secondes d'avance pour se jouer la victoire dans le final. Et moment de temporisation assez important. Et problème d'oreillette aussi. Problème d'oreillette aussi me signale parce Guillaume. Parce qu'ils n'étaient pas au courant et du coup, ils n'ont pas roulé. Ils ne savaient pas que le mec était à 30 secondes derrière. Ouais. J'ai cru comprendre qu'il y avait effectivement des soucis au niveau des écarts. Résultat des courses, les coureurs qui paraissaient les battus après la dernière ascension sont revenus comme un boulet de canon sur le finish, dans la dernière ligne droite, et ont mangé clairement le duo Fuglsang Alaphilippe, terminant respectivement en 3e et 4e place, avec une victoire d'un jeune néerlandais qui terminait en plus sa saison sur route lors de cette course. Il finit en beauté, dont on risque encore de parler longtemps, d'une petite équipe continentale qu'aurait Don Circus, mais qui a gagné beaucoup de courses en ce début de saison, et donc qui remporte l'Amstel Gold Race, course qui a lieu aux Pays-Bas, donc parfait pour les Néerlandais qui pourtant quelques kilomètres plus tôt auraient jamais pensé qu'un de leurs compatriotes pourrait l'emporter. Derrière, deux autres classiques, mercredi on avait la Flèche Wallonne qui a vu le second sacre pour Julien Alaphilippe dans un duel où cette fois-ci personne n'est revenu derrière avec Jacob Fuglsang. Le champion du monde, Alejandro Valverde, était lui nettement trop court cette année. Il avait déjà montré des signes peu encourageants avec sa 65e place sur l'Amstel Gold Race. Et donc, belle victoire quand même pour Julien Alaphilippe, on peut le dire, qui a assumé son statut. Il confirme sur la Flèche Wallonne. On a vu Fuglsang partir sur le mur de Huy et on voyait, moi franchement je pensais pas qu'il allait le rattraper. Il est parti très fort Fuglsang et à la pédale, à la Philippe qui revient bien pour le coiffer sur le poteau juste sur la fin. Même si à la toute fin on aurait pu croire que c'est vrai qu'à la fin il revient encore. Revient, ouais. L'image est assez intéressante. Mais du coup cette fois-ci il a célébré comparé à l'année dernière où il savait pas qu'il allait remporter. L'année dernière il avait pas levé les bras, cette fois-ci il a bien pu lever les bras pour exulter. Et effectivement, et donc le podium est complété par Diego Ulissi et on terminait donc la semaine avec la dernière classique de printemps avant d'enchaîner sur les grands tours et la préparation pour le Tour d'Italie avec Liège-Bastogne-Liège qu'on attendait notamment pour Julien Alaphilippe qui a déjà terminé deux fois deuxième et malheureusement Julien Alaphilippe a été trop court sur le final modifié d'ailleurs de cette doyenne des classiques. C'est pas la meilleure chose qu'ils aient fait, non. Ouais, justement, c'était ma première question avant de donner le résultat final. On y va tout droit, pas convaincu du nouveau parcours. Non, parce que c'était avant il y avait l'arrivée donc au sommet de la côte de Hans. Alors c'était pas la plus dure du parcours, mais c'était une arrivée un peu comme la Flèche Wallonne, sauf qu'il restait encore 400 mètres derrière. Et avec la côte de Saint-Nicolas à 4 km de l'arrivée. Et là, le juge de paix, en fait, il a 15 bornes de l'arrivée. Donc bon, c'est... Moi, je suis un peu déçu de ça. Après, on pensait pour autant qu'il y aurait une arrivée potentielle, du coup, au sprint, avec un retour de l'arrière. Et pour autant, ça a permis quand même de sacrer un homme seul. Justement, cet homme seul, Jacob Fuglsang, qui méritait quand même sa victoire au vu de sa campagne des classiques. Qui méritait. Puis après, s'il arrive seul aussi, c'est parce qu'il y a... Il y avait des conditions difficiles où beaucoup de leaders se sont retrouvés sans équipier assez loin de l'arrivée. Mais franchement, un Liège-Bastogne-Liège qui peut, avec ce parcours, terminer au sprint, c'est un peu décevant. On verra l'année prochaine s'il y a des conditions normales et peut-être un mec aussi moins dominateur. Mais je ne suis pas fan de ce parcours, moi. Et côté français, par contre, je t'avoue que je reste un peu sur ma faim. Puis voilà, j'étais habitué à ce final, donc qu'on le change, même si je sais que c'est un retour finalement à la version il y a plus de 20 ans. Mais voilà, nous, la version il y a plus de 20 ans, on ne la suivait pas. donc du coup, ça fait toujours un petit peu bizarre de toute manière lorsqu'on change l'itinéraire. Et pour le moment, effectivement, pas convaincu. Donc Jacob Fuglsang s'est imposé devant Formolo, l'Italien, qui n'était pas du tout attendu, et Maximilian Charman, donc deux coureurs de l'équipe Bora au deuxième et troisième place sur cette classique Liège-Bastogne-Liège. Côté français, juste pour donner le résultat, le meilleur français, c'est pas forcément celui qu'on attendait le plus, c'est le jeune David Gaudu qui fait sixième pour l'équipe Groupama FDJ. Par contre, un petit peu déçu forcément des performances de nos têtes d'affiche, notamment Julien Alaphilippe qui était émoussé visiblement et qui se dit ne pas avoir de regrets malgré tout. 16e sur cette course et de Romain Bardet un petit peu loin lui aussi alors qu'il avait déjà bien figuré sur cette doyenne. Dernière question que je voulais vous poser dans cette rubrique cyclisme. On a parlé du déclin d'Alejandro Valverde. Est-ce que vous pensez que c'est une fin de règne définitive pour ce coureur qui a quand même effectivement 39 ans ou qu'il a encore moyen de nous montrer son niveau et qu'il y a peut-être un équilibre entre ce qu'il a montré cette semaine et son niveau exceptionnel des dernières saisons? À cet âge-là, ça va être compliqué, à mon avis, pour lui de retrouver les performances qu'il a eues. Après, il a un grand palmarès. Sa victoire au championnat du monde récemment, je pense que c'est ce qu'il voulait avant la fin de sa carrière. Donc, je pense que là, il va finir tranquillement, entre guillemets, en essayant d'aller chercher quelques étapes par-ci par-là. Mais ça m'étonnerait qu'il regagne quelque chose de gros d'ici la fin de sa carrière. Ouais, je pense comme Jules. L'apogée sans doute, le titre de champion du monde aussi, tant sur le physique effectivement, 39 ans, et puis lui qui avait fait un nombre assez hallucinant de médailles mondiales, la première en 2003, arrivait enfin à décrocher le titre, peut-être aussi sur le plan mental, il est plus en roue libre, bon, Ouais, pour se faire plaisir, là, il va. On verra. En tout cas, effectivement, on reverra le champion du monde d'ici au Giro, qui est le prochain grand événement de la saison. Et puis pour Julien Alaphilippe, juste en conclusion, belle campagne des classiques, malgré tout, démarrée à Milan-San Remo, qui est la première classique qu'il remporte, même juste avant les Strade Bianche, pardon, et conclue sur la Flèche Wallonne, même si on attendra encore. Un sacre, le dernier français était Bernard Hinault sur la doyenne des classiques, oui, Liège, Bastogne, Liège. Ouais, ça remonte sur cette classique. Le blaireau. Bien vu. Tu vois, bon surnom. Ça maîtrise le cyclisme maintenant avec Tim. Et d'ailleurs, j'en profite pour donner la parole à Tim et on repasse à un sport qu'il maîtrise et qu'il affectionne tout particulièrement. Comme le micro, tennis. Le printemps et la terre battue qui revient. Ouais, c'est des petites sucreries, un petit peu de la terre d'ocre qui nous reviennent. C'est finalement le début de la saison de la terre battue. Monte Carlo qui était il y a une semaine et demie. Gros tournoi de Monte Carlo d'ailleurs, hein. J'ai regardé un petit peu. Quelle catastrophe. Heureusement, il a fait bon quand même. Contrairement à la France, mais ça a été la seule classe du tournoi par contre. Ouais, c'est ça. Ouais, on va dire juste la belle histoire au-delà du jeu tennistique proposé. Moi je trouve que c'est pas une catastrophe en soi, c'est juste que ça a été un tableau plus ouvert qu'à l'accoutumée. Puisque. Je vais donner le résultat final après, mais je rappelle juste les quarts de finale. Djokovic a été battu déjà. Par Medvedev, donc première surprise. Ensuite, c'est Lajovic qui s'était extirpé de l'italien Sonego. Retenez bien ce nom, je vous dis, c'est un joueur qui va monter sur terre. Sonego ? Ouais, Lorenzo Sonego, c'est un très bon joueur sur terre battue. Il risque de. Je peux mettre une piécette sur lui en 8e de finale de Roland Garros, par exemple. Ah, oh là. Il sera pas facile à jouer, lui, vraiment. On va passer dans l'oreille d'un sourd, ça. Ah, ok, retiens-le. On avait essayé de Chinato l'année dernière. Voilà, c'est ça, ça pourrait. Sonego, peut-être. À surveiller. Nadal s'était extirpé du piège Guido Pelia. Très difficile aussi à jouer sur terre, 7-6-6-3. Et Fognini avait battu Borna Koric, 1-6-6-3-6-2. Ce qui nous a donné des demi-finales assez inédites, avec donc Fognini et Lajovic, qu'on n'attendait pas forcément jusque-là. Et même Medvedev, qui à la base n'est pas un joueur de terre, mais qui s'est retrouvé en demi-finale, et qui a été par contre sorti par Lajovic, lui, 7-5-6-1. Et là, ça a été la surprise. Moi, je pensais pas Fognini capable de sortir comme ça Nadal sur terre. Et puis surtout, c'est le score qui est sans appel, hein, 6-4-6-2. C'est une victoire vraiment très sèche. Ah, même pas de troisième set. Pas de troisième set. Pas de tie-break, rien. Non. Et encore, il menait quand même 5-0. Il a eu plusieurs deux balles de match à 5-0. Donc, il aurait pu prendre une bulle Nadal. Ce qui, je crois, si je dis pas de bêtises, n'est jamais arrivé sur terre battue. Ah, je pense. Si, je crois qu'il a pris un. Ah non. Sur terre battue, il a jamais pris deux. Moi, j'ai pas j'ai pas vu le match. Enfin, évidemment, le score m'a beaucoup surpris. Comment physiquement, il commence à tirer à la langue ou il... Mais. Alors, écoute, j'ai l'impression quand même que son genou l'handicape un peu et ce qui m'inquiète, moi, en fait, c'est que quand il a des balles vraiment liftées sur le revers, c'est-à-dire que quand il les prend vraiment haut, donc épaule droite. Eh ben, il a de plus en plus de mal alors qu'avant il arrivait vraiment à contrer avec son revers croisé et là c'est ce qui est arrivé contre Dominic Thiem à Barcelone, mais ça j'en reviendrai après. Il a plus la même puissance de contre. Contre Fognini en plus il a dû jouer intelligemment, je pense. Voilà, Fognini, je pense qu'il est resté focus dans son match ça fait la diff, quoi. Ça annonce en tout cas un Roland Garros peut-être plus ouvert. C'est intéressant pour une fois. Donc Fognini, pour ça que revient. Voilà, on verra déjà à Madrid d'ailleurs. Sens du timing. Ouais. C'est Nadal, c'est. Bah, je dis pas que c'est la fin parce que ce mec-là, il peut encore gagner 3-4 matchs. Jamais enterré. Voilà. Mais il y a quand même des signes. Pas que sur ta battue d'ailleurs. La finale à l'Australienne, il prend 6-3, 6-2, 6-3 contre Djoko. Sur la tournée américaine, pas top. Moyen aussi, ouais. Ouais, inexistant sur la tournée américaine. Et donc à Madrid dans un peu plus d'une semaine, et avant on avait le tournoi de Barcelone. Ouais, tout à fait, où Nadal est quasiment à domicile, puisque vous le savez, son oncle Tony Nadal est un ancien joueur du FC Barcelone. Yes. Ouais, plus mal évident qu'elle. Il a gagné 12 fois, je crois, aussi le tournoi. J'ai pas vérifié la stat, mais il me semble que c'est la première fois que Nadal n'atteint ni la finale de Monte Carlo ni la finale de Barcelone. Ça doit faire un moment. Ouais. Et donc à Barcelone, on a eu des quarts de finale où Nadal avait déjà eu des difficultés contre Struff, qui n'est pas du tout intérieur en plus, puisqu'il a Nadal a gagné difficilement 7-5-7-5. Thiem avait battu Pelia 7-5-6-2. Nishikori avait battu Carvalhes Baena, le local espagnol, 6-4-7-5. Et Medvedev, encore lui, qui a réussi à avoir son ticket pour les demi-finales en battant Nicolas Jarry 6-3-6-4. En forme. Je vais revenir après sur Medvedev, mais à surveiller le bonhomme, je vous le dis. Bah voilà, depuis quelques temps. Et ouais, surtout que Medvedev, là, il sort Nishikori, qui est un très bon joueur de terre battue. et il se retrouve en finale donc face à Dominic Thiem qui a battu Nadal 6-4 6-4 et là pour le coup je retiendrai plus vraiment la performance de Thiem que plutôt le match de Nadal. C'est-à-dire que Dominic Thiem quand il joue comme ça, il est capable de battre n'importe qui et dont le meilleur joueur de l'histoire sur terre. De classe, Victoire 6-4 6-4. Et Thiem qui s'impose, qui remporte son premier Masters 1000 de la saison. Qui remporte son deuxième titre de la saison après la victoire à Indian Wells face à Roger Federer. Donc c'est plutôt une bonne saison 2019 pour Dominic Thiem et qui vraiment commence à mettre le bleu de chauffe sur terre battue. Donc si je devais faire mes 3 points, je sais que j'aime bien faire les 3 points comme ça un petit peu pour résumer. Ça permet d'avoir une vision un petit peu holistique finalement, c'est important. C'est beau. Mon premier point, c'est comme ce que tu disais. Guillaume, c'est que moi je trouve quand même que Nadal est moins souverain cette année sur terre. Voilà, comme je disais, c'est une première où il atteint ni Monte Carlo ni Barcelone. Je pense que c'est pas anodin non plus. Et je trouve qu'en fait, ce qui est vraiment un indicateur, c'est des difficultés qu'il peut éprouver contre des joueurs sur lesquels il est censé vraiment être supérieur, notamment Guido Pelia, je trouve. Ces joueurs-là, je pense qu'il y a même peut-être un an, deux ans, il les aurait corrigés. Et là, alors que là, il a déjà du mal. Il est moins en rouleau compresseur, tu vois. Donc, c'est moins sentiment de domination, de sérénité. Exactement. Donc, même si après, il faudra voir qui lui prendra 3-7. Mais voilà, c'est ça aussi. C'est qu'à l'envers, sur 3-7 gagnants, c'est pas pareil. Ah, mais si physiquement tu vois qu'il commence à tirer la langue, il y a des signes quand même. Voilà. À voir. Mon deuxième point, c'est Medvedev qui au final est un garçon vraiment très prometteur et surtout tout terrain, puisqu'il n'avait pas de référence sur terre battue. Là au final, c'est une demi à Monte Carlo et une finale à Barcelone, puisque c'est lui qui est en finale hein, face à Dominic Thiem. Bon, qui perd 6-4 6-0 malheureusement. Mais vraiment Medvedev qui confirme sa belle saison 2018 et qui continue de progresser, donc je trouve ça vraiment intéressant. Futur top 10. Ah oui, futur top 10. Je pense qu'il va vite éclipser un mec comme Tsitsipas par exemple. Yes. J'ai pas peur de le dire. Là ça prend une position. Mais c'est bien. J'ai pas peur de dire que Tsitsipas il me déçoit de plus en plus. Bon, non, je suis pas déçu parce que je suis pas un fan de Tsitsipas. C'est la vie, hein, donc. Et mon troisième point sera axé sur Dominic Thiem, qui commence à monter en puissance et qui, je pense, se place comme vraiment un favori pour le tournoi Roland-Garros. Hein. Avec Nadal, je pense que c'est les deux qui se dégagent. Et puis avec une expérience de ce tournoi et des... Et une finale l'année dernière. Je pense qu'il a... Ah, c'est à toi des gros clients, là. Qui a été formateur pour lui parce qu'il est vraiment passé à côté de sa finale. Et je pense qu'il a beaucoup appris sur cette finale. Ouais, il a beaucoup appris et je pense que sa victoire à Barcelone contre Rafa, psychologiquement, ça peut être ça un déclic. Bien en condition. Donc voilà, j'avais juste une question du coup par rapport à en perspective de la suite très de la saison sur terre et Roland Garros. Est-ce que vous voyez en dehors de Nadal et Rafa un troisième joueur se dégager? Nadal et Djokovic. Ouais, si tu nous as dit entre Nadal et Rafa. Nadal et Thiem, pardon. Nadal et Thiem. Tu peux me dire Djokovic, du coup, mais t'es pas obligé. Eh ben Djokovic. Ah bah oui, Djokovic. Jamais intérêt non plus. Et peut-être un quatrième homme. Allez. Ouais, bah. Ça nous ferait comme les demi-finales. Un quatrième homme. Bah c'est tellement. Federer, il participe, je précise. Ouais, mais. Non. Mais c'est tellement hétéroclite comme. C'est beau. La Medvedev, on n'a pas eu de Medvedev. Ouais, mais il sera chiant à sortir, ça c'est sûr. Ouais, hein. Mais sur après, sur avoir le tableau. Sur 7 matchs, non, je pense pas. Ouais, après, ouais, je pense que ça va encore jouer sur les 3. Quoi. Ouais, je pense aussi. Ouais, aussi. Federer, il peut faire un truc, ça dépend du tableau, mais. Ouais. Federer, je demande à voir du côté de. Ça m'intrigue. De Roland, et en tout cas, on aura sans doute déjà des. On verra déjà à Madrid. Hein. Des signes de réponse supplémentaires, c'est ce que j'allais dire, du côté de Madrid. On va passer très vite sur les deux dernières rubriques qu'on avait, et justement, on ira un peu plus vite au vu du fait que nous ayons été prolixes sur les derniers sports, et on va passer au rugby avec Jules. Ouais, pour cette belle 23e journée de top 14, donc on a Pau en ouverture qui a quasiment assuré son maintien en disposant du Racing 29-27. Les Franciliens, ils ramènent tout de même un point de bonus défensif sur la fin grâce à Vakatawa, qui sera important pour la course au top 6. Ensuite, le leader toulousain qui allait s'imposer 21-20 chez son voisin Castré grâce au 100% au pied de Thomas Ramos, donc Toulouse plus que jamais leader. À noter que Castres prend sur ce match le bonus défensif et le bonus offensif, donc ce qui est jamais arrivé pour une équipe qui perd. Depuis que la règle est les 3 essais d'écart. Depuis qu'elle a changé cette règle, donc ils prennent quand même 2 points Castres. Assez dingue. Ouais. Bon. Ensuite, vous avez un don pour me bousiller mes questions du quiz, vous, c'est terrible. On bosse, c'est la connaissance. Bonne synchronisation. Dans la course au maintien, on a Agen qui a fait tomber le troisième dans son antre d'Armandie. Les Agenais ont surclassé des Lyonnais apathiques, pensant même au bonus offensif à un moment, ils le tenaient. Malheureusement pour eux, les Lyonnais ont eu un sursaut d'orgueil sur la fin. Donc ils sont revenus à 25-15, pas de bonus offensif, mais tout de même une victoire importante pour Agen. Le MHR qui a rempli son contrat, qui a rempli son objectif en cartonnant Grenoble, 47-12, on en reparlera un peu plus tard. L'USAP qui est officiellement rétrogradé en Pro D2, on le sentait venir depuis un moment, mais là c'est mathématiquement fait, avec une énième défaite à domicile, cette fois-ci face à La Rochelle, qui lutte pour les playoffs. C'est une lourde défaite 49-29. Et qui ne ravit pas Montpellier justement, mais on y reviendra plus tard. Ensuite, dimanche, on a vu Toulon, bon, qui n'a plus rien à jouer depuis un petit moment, mais qui a cartonné face à Bordeaux. Mauvaise opération pour Bordeaux, qui perd 45-17. Et enfin, les Clermontois qui se sont défaits du Stade Français 41-25. Avec cette victoire bonifiée, les Clermontois sont quasi, c'est pas mathématiquement fait, mais avec une victoire contre l'USAP la semaine prochaine, ça sera fait. Ils sont mathématiquement qualifiés directement en demi-finale. Donc on a au classement Stade Toulousain qui finira premier la saison régulière, deuxième Clermont, ça c'est connu. Par contre derrière c'est la guerre. On a Lyon qui est troisième avec 65 points, Castres quatrième 64 points, le Racing cinquième 63 points et La Rochelle sixième 62 points pour l'instant. Donc ce sont eux les qualifiés. Mais derrière en embuscade on a Montpellier, l'UBB et le Stade Français qui sont avec 57, 57 et 56 points. Donc c'est tout reste encore possible pour Montpellier. Dans la course au maintien, on a trois équipes, parce que je pense que Pau a fait la différence avec cette victoire-là et n'est plus inquiété. Non, on n'a plus que deux équipes du coup, Agen et Grenoble qui vont lutter pour cette place de barragiste. Agen a 6 points d'avance sur Grenoble, et ce week-end on a un gros Grenoble-Agen, donc il sera certainement important pour la suite. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que Montpellier, à votre avis, peut refaire son retard de 5 points actuellement sur La Rochelle et se qualifier? Il faudra un exploit. Le calendrier, alors, ils vont se déplacer à Castres, à Clermont. Ils vont recevoir le Stade Français, ils vont se déplacer à Clermont. Pas évident quand même. Ouais. Bah, en fait, c'est le calendrier qui fait mal. Quoi. Clermont qui n'aura plus rien à jouer dernière journée. Ouais. Au final, Clermont qui aura rien à jouer, mais qui aura peut-être à cœur de terminer sur une bonne note à Marcel Michelin. Ils joueront à domicile. Non, c'est sûr que si on les recevait, ce serait une autre histoire. Montpellier risque de regretter amèrement la défaite à domicile contre Perpignan. Les performances à l'extérieur sont assez remarquables, même cette saison pour Montpellier, mais à l'inverse, ils ont perdu beaucoup de points à domicile. À domicile, ce qui est rare d'habitude, c'est solide à domicile Montpellier. Donc effectivement, c'est assez inquiétant ce calendrier final. Après, vu la dynamique, il faut croire à l'exploit et on espère bien sûr un exploit du côté de Castres ou de Clermont, sachant que effectivement, ce que je disais, La Rochelle a gagné à Perpignan. Ils ont toujours 5 points d'avance, donc Montpellier est obligé de gagner au minimum 2 matchs sur 3. D'aller chercher entre 8 et 10 points, ce sera quand même pas évident. Mais surtout qu'à Castres, on gagne jamais, quoi. Surtout qu'à Castres, on gagne jamais, mais écoute, espérons cette année. Ils sont passés à côté contre Toulouse. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour nous. On passe sur les autres sports et on va faire très rapidement. Et d'ailleurs, on prendra exceptionnellement la pause musicale avant les sports montpelliérains pour faire un petit peu souffler nos auditeurs. C'est irrespirable, hein? Ah, attention. Il y avait beaucoup d'actu, donc effectivement, je m'en doutais, on s'est un petit peu lâché. Surtout qu'il faut que je refasse des questions du quiz. Donc, voilà, pour l'instant, comme ça, Guillaume en profitera pour préparer son quiz qui interviendra en fin d'émission. Je démarre avec un sport et un événement. On avait les championnats de France de natation il y a 2 semaines, donc c'est pour donner les qualifiés, surtout pour les mondiaux. C'est l'intérêt premier de ces championnats de France. À l'issue des championnats de France 2019 qui sont déroulés du mardi 14 au dimanche 20 avril, 11 nageurs et nageuses français et françaises sont parvenus à obtenir le précieux sésame de la qualification pour les prochains championnats du monde qui auront lieu en Corée du Sud. Donc se sont qualifiés pour les prochains mondiaux Charlotte Bonnet, Fantine Le Saffre, Mehdi Metella, Beryl Gastaldello, Marie Vatel, David Aubry, Maxime Grousset, Damien Joly, Clément Mignon, Tom Paco Pedroni, et Jérémy Stravius, donc effectivement jeune délégation française, beaucoup de nouveaux noms que ceux qui sont moins à fond dans la natation connaissent forcément, et qui sera encadré quand même par trois têtes d'affiche qu'on est habitué à voir. Mehdi Metella, qui a fait de belles performances lors de ces championnats de France, Charlotte Bonnet ou encore Jérémy Stravius. Juste pour donner un résultat côté Montpellierin, même si elle ne sera pas des mondiaux, c'est Fanny De Berg qu'on avait reçue, qui a réalisé un beau grand chelem, on peut le dire, dans la discipline de la brasse en 50, 100 et 200 mètres brasse, avec d'ailleurs une course du 200 mètres brasse qui a marqué ses championnats de France. Trois filles sont passées sous les 2,26, ce qui est visiblement assez rare et qu'on ne voyait plus dans la brasse française. Et à l'image, pour le futur, l'anecdote des deux médailles de bronze de Justine Delmas, âgée de seulement 14 ans. Voilà, ça place le potentiel. Plutôt brasse ou crawl, toi, Tim? Plutôt crawl, moi, un brasse plus technique. Ah, c'est plus esthétique quand même. Autre sport, sport de raquette, mais de mini raquette. C'était championnat du monde de tennis de table à Budapest et on va en parler. L'équipe, j'ai vu. Voilà, ça a été effectivement diffusé par l'équipe. Contre un Coréen, il a mis un 7-1-0. Ça, c'est vite quand même. Non, contre un Slovaque, mais qui était un Coréen en fait. C'est assez impressionnant de les voir jouer. Effectivement, on voit qu'on est loin du ping-pong qu'on joue. Même si notre niveau est quand même déjà. Ouais, par contre, parce qu'on joue au collège, hein. Il n'était pas invité. Et un pongiste chinois s'est imposé. Ma Long, 30 ans, a remporté dimanche à Budapest la finale du simple messieurs des championnats du monde en finale contre un Suédois, Mathias Falk, qui avait éliminé en quart de finale le Français. C'est surtout pour ça que j'en parle, Simon Gauzy. Il décroche ainsi à 30 ans, Ma Long, son troisième titre mondial en simple après ceux de 2015 et 2017. Pour le Français, la performance est de taille, sachant que le tennis de table tricolore n'avait pas été à telle fête en quart de finale, donc depuis 1997, lorsque Jean-Philippe Gatien s'était incliné en quart de finale. Lui qui l'a d'ailleurs emporté déjà en 93, le titre, et il attendra encore son successeur, mais ça reste une belle performance pour le Français dans sa jeune carrière. Ouais, voilà, exactement. Assez jeune, donc intéressant. Et puis son prochain objectif sera bien sûr les prochains JO de Tokyo en 2020, sachant qu'on sait qu'en plus en Asie le tennis de table est un sport important. En témoigne la victoire du Chinois. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de titres pour les Chinois. Ma Long. Et c'est son troisième titre mondial. Et aussi pas mal de Sud-Coréens, j'ai pu le voir. Oui. Autre événement sur lequel je reviens brièvement, c'est le marathon de Londres. Ultra favori, Eliud Kipchoge, le recordman du monde du marathon, n'a pas failli à sa réputation et s'est imposé pour la quatrième fois à Londres dans un chrono de 2h 2 minutes 37 secondes. Il ne bat pas son propre record du marathon de Berlin, qui est le record du monde, mais il s'en approche néanmoins. Côté européen, cinquième place pardon, pour Mo Farah, le britannique. Sachant que c'est son premier marathon, franchement, c'est quand même une grosse performance. Donc assez costaud, effectivement, et il n'est pas parvenu à améliorer le record d'Europe, mais belle performance. Il finit à 3 minutes 02 de Eliud Kipchoge, ce qui est déjà, je vous le dis, une performance. Sur le podium, on retrouve un Éthiopien et un autre Kenyan, si je ne me trompe pas. Typique du marathon. Autre événement, le rallye d'Argentine. Rallye WRC, bien sûr. Leader depuis vendredi et la spéciale numéro 7. C'est Thierry Neuville qui a remporté dimanche le Belge, le rallye d'Argentine, avec une belle avance sur son coéquipier de l'écurie Hyundai, Andreas Mikkelsen. Le sextuple, le champion du monde de rallye, Sébastien Ogier, termine sur la troisième marche du podium d'un rallye d'Argentine qui lui échappe. Encore, c'est un des seuls qu'il n'a pas remporté. L'autre rival de Thierry Neuville, l'Estonien Ott Tänak de Toyota, finit assez loin, seulement 8e. Le Français Sébastien Ogier a malgré tout, dans un week-end difficile, remporté la super spéciale, la Power Stage, la dernière du rallye qui permet de récupérer des points supplémentaires au championnat pour les 5 premiers classés, et ça lui a aussi permis de dépasser Chris Mikkeux qui était alors 3e et qui termine finalement 4e. Au classement général, Thierry Neuville déjà leader à l'issue du précédent rallye de France en Corse, creuse l'écart sur Ogier, deuxième, avec 110 points contre 100, et c'est donc Ott Tänak qui complète le podium, comme la saison dernière finalement de son championnat du monde, avec 82 points. Dernier sport que j'allais évoquer, je ne vais pas parler de Formule 1, on en parlera dans la parole des Tow Chillers. On reviendra sur le Grand Prix, bien sûr, de Bakou d'Azerbaïdjan. Guillaume, ton info box, ce sera plutôt pour l'agenda On le case pour l'agenda, très bien. On va prendre donc notre première pause musicale. On reviendra donc sur le sport montpelliérain juste avant la pause pour que nos auditeurs puissent quand même un petit peu souffler dans ce gros programme sportif. Et donc le premier son qui nous a été concocté par Tim, c'est Dr. Pusher de Milo vs Miami Sound Machine. Ouais, on revient dans le début des années 2000, hein, je vous le dis. Alors, c'est... Et vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier et Sport & Chill. Et donc, on va reprendre effectivement, une fois n'est pas coutume, sur le sport montpelliérain et jingle sport montpelliérain tout de suite. Sport & Chill, le sport montpelliérain. Donc, effectivement, on revient sur le sport montpelliérain alors que Tom nous fait une petite apparition, pas trop pro-montpelliéraine d'ailleurs. Et ce sport montpelliérain qui sera marqué surtout sur un focus autour d'un club, malheureusement pas forcément pour une réussite. Défait. Voilà, un club défait. C'est le Montpellier-Castelnau Volley Universitaire Club. long nom pas de ouais, ça fait long, voilà. D'autant plus qu'on avait eu le plaisir de recevoir deux de leurs joueurs. Qu'on remercie d'être venus. Voilà, on aurait espéré meilleur sort pour eux, donc pour Quentin Jouffra et Benjamin Diaz et tous leurs coéquipiers qu'on avait reçus à la veille des playoffs pour une double confrontation contre Chaumont. Et finalement, bah, il n'en fut rien. Montpellier qui s'est fait sortir dès le premier tour des playoffs, donc ce qui est l'équivalent des quarts de finale. Montpellier qui avait terminé 3e de la saison régulière, il faut le rappeler. Chaumont 6e de la phase régulière, mais Chaumont est champion de France 2017, vice-champion de France 2018 face à Tours l'an dernier. C'est donc ça. Était forcément un obstacle malgré tout de taille. Ouais, c'est plus les scénarios des deux rencontres qui peuvent surprendre par rapport au grade de Montpellier qui progresse saison après saison. Montpellier a perdu 3-7-0 à l'aller du côté de Chaumont, et alors qu'on espérait une victoire pour aller chercher le match d'appui qui en plus aurait été le lendemain à domicile au vu du classement de la phase régulière, Montpellier a été de nouveau défait 3-7-0, donc a pas pu prendre un set en deux matchs face à Chaumont. Donc forcément déception pour le club de Montpellier, qui réalise malgré tout un beau parcours et, comme il nous l'avait dit, retrouve la Coupe d'Europe. Mais voilà, on peut se demander ce qui se passe. Un éternel recommencement finalement pour ce club qui vient de perdre 3 fois d'affilée au premier tour des playoffs. C'est vraiment dommage. Là, cette année, on les voyait encore bien. Ils ont longtemps été à la course pour la deuxième place. D'ailleurs, Tours qui était intouchable. Au final, ils se sont fait passer devant par Ajaccio. C'est vrai que Chaumont, c'était pas un bon tirage au premier tour au vu de l'effectif et de leur forme sur les dernières saisons. Mais en 2016-2017, Montpellier était sorti deuxième de saison régulière, avait perdu au premier tour contre Nice. L'année dernière, ils étaient sortis sixième, ils avaient perdu logiquement contre Paris au premier tour. Ils étaient pas favoris. Mais là, on attendait peut-être un peu mieux. Pas forcément sur le résultat, mais au moins sur la manière. Perdre 2 fois 3-0 comme ça, c'est un peu sec. On peut se demander qu'est-ce qui manque à cette équipe. C'est difficile à dire. Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est la jeunesse aussi? C'est un effectif qui est souvent renouvelé. C'est vrai que c'est un effectif qui est renouvelé. D'ailleurs, Benjamin Diaz et Quentin Jouffroy, ils sont arrivés que cette année, je crois. Ils n'étaient pas là les années précédentes. C'était des recrues, ça. Donc, on sait pas trop ce qui va pas. C'est dommage parce que ce club est en plein essor ces derniers temps, mais il manque ce petit. Un coach, malheureusement. Un coach aussi de renom, connu dans le volet français, Olivier Lequin. Donc on peut espérer que ça les fasse passer un palier, mais c'est vrai que ça fait 3 saisons et le même scénario. On est ravis tout au long de la saison régulière et finalement déception. Ah, ça passe pas le cap. En tout cas, saison. On dirait le PSG en Ligue des Champions. Un petit peu. Ça s'arrête mentalement comme ça. Il retrouve la Coupe d'Europe, donc mal pour un bien. Il retrouve la Coupe d'Europe, la CEV, qui est donc la seconde Coupe d'Europe. Donc pour le rappeler, donc malgré tout, belle saison pour le Montpellier volé, auquel on souhaite une bonne continuation et une bonne saison prochaine. Concernant les autres clubs montpelliérains, côté. Équipe reconnue importante dans la ville, le MHR, on en a déjà bien parlé, donc effectivement essaiera de chercher sa place pour les barrages lors des prochaines rencontres. Le MHSC ne jouait pas cette semaine du fait du match décalé de la finale de PSG, Stade Rennais Paris Saint-Germain, sachant que Montpellier jouera le Paris Saint-Germain donc demain soir. Montpellier est 6e pour le moment du classement, et Montpellier donc, on en parlera une autre semaine, qui a confirmé Michel Derzakarian au club. Info tombée aujourd'hui, donc prolongation de contrat. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Forcément. Pour le spectacle, non. On aura l'occasion d'en reparler. Un autre club qui marche, lui, assez fort cette saison, c'est des féminines, c'est le BLMA, finaliste malheureuse de la Coupe d'Europe, mais c'était déjà une belle performance d'être en finale d'Eurocup pour le BLMA cette année. Et 2 rencontres donc cette semaine, en l'espace d'une semaine, pour 2 victoires dans les playoffs de LFB. Effacer donc cette déception européenne, les Latoises ont décroché sur leur parquet la qualification pour les demi-finales du championnat de France féminin face à Basketland, et s'était imposé dans le premier match. Ensuite, derrière, lors du second match, donc elles avaient perdu du côté de Mont-de-Marsan face à une équipe portée notamment par Céline Dumerc, qui joue maintenant du côté de Basketland, qui finit sa carrière dans cette équipe. Et le BLMA donc, qui s'est qualifié, et derrière qui se retrouve en demi-finale face à l'ogre du championnat de France saison après saison, le Tango de Bourges. Le Tango de Bourges ? Ouais, ouais. C'est surprenant comme nom, ça. C'est, ouais, c'est aussi surprenant, ouais. Tango. C'est Tango aussi, pour les polyvalents, pour la couleur. Pour la couleur, mais donc, effectivement, Bourges, qui est la meilleure équipe de basket française féminine depuis bien longtemps, portée notamment par Marine Johannes. Même si cette année, c'est l'ASVEL Lyon là, qui frappe fort, qui monte en puissance. Qui a fini en tête et qui est également dans l'autre demi-finale. Messieurs, s'il vous plaît. Dans l'autre demi-finale, face à Charleville-Mézières, que les Latoises avaient rencontré en Eurocup. Donc les Latoises, donc, effectivement, ont joué le premier match contre Bourges pour une victoire. Elles sont imposées 78-66, ce qui n'est pas une mince performance, sachant que le premier match se joue à l'extérieur du côté de Bourges, et tenteront donc de concrétiser cet avantage demain soir au Palais des Sports de Latte, sachant que les joueuses de Thibaut Petit bénéficient donc de 12 points de marge et sont menées par des joueuses en forme, à l'image des performances de Wurtz, 16 points, 4 sur 6 à 3 points, et de Whitcomb, 13 points, qui ont régalé le Palais des Sports de Latte lors du match contre Basketland. Et nouvelle belle performance, notamment d'Andy Miem avec 21 points et 17 points aussi pour Whitcomb contre Bourges. Et joue le retour là, du prochain match. Donc le retour là, effectivement, c'est le match État-Montpellier, sachant que c'est en deux, toujours deux victoires. Salle, je veux dire, ou pas. Et donc effectivement c'est la salle, la même salle, et donc par contre Montpellier aura l'avantage du terrain, donc en cas de, si je me trompe pas, elles ont fini troisième, donc ce sera de nouveau Bourges, donc il faut pas perdre par contre effectivement le match, confirmer quoi, le match 2, faut confirmer pour passer en 2-0 pour une finale qui sera sans doute, si ça passe, contre l'ASVEL de Lyon. Dans les autres matchs, donc le MHB jouait pas cette semaine, a été défait dans une saison à oublier, 33-26 contre le PSG la semaine dernière. Autre club par contre à signaler cette semaine, c'est le Montpellier Waterpolo, qui est la deuxième équipe montpelliéraine avec le BLMA, pour laquelle nous pouvons nourrir de beaux espoirs en championnat de France, même si ça va se compliquer dès à présent. En effet, les Montpelliérains dans la douleur sont parvenus à se hisser dans le dernier carré, pardon, après une première défaite à Noisy-le-Sec 12-10 lors du quart de finale aller. Le Montpellier Waterpolo devait s'imposer de 3 buts, ça a été chose faite avec une victoire 9-6 à la piscine Antigone, qui permet la qualification de Montpellier, qui en demi-finale retrouvera le club de Strasbourg, déjà qualifié après sa première phase de la saison régulière, sachant qu'ils avaient terminé à la première place. Le MRC féminin ne jouait pas cette semaine, et on les retrouvera avec le quart de finale contre Grenoble le week-end prochain, d'ailleurs je le rappellerai dans l'agenda. Les Montpellierennes du MHSC, on revient sur les MHSC, elles ont joué avant-dernière journée contre le Paris FC, qui était 5e du championnat, qui l'est toujours d'ailleurs. Victoire de Montpellier au stade Charletti sur le score de 1-0 avec un but de Sophia Jacobson. Les joueuses de la Paillade ont pu profiter donc ces dernières semaines, notamment de deux défaites des filles des Girondins de Bordeaux, pour reprendre de manière assez inespérée la 3e place du championnat, qui sera le seul fait d'armes finalement de leur saison, elles qui nous ont habitués quand même un petit peu mieux, bien loin de Lyon et du PSG. Elles termineront la saison samedi prochain à 14h30 à domicile contre le LOSC féminin. Dernier club dont j'allais parler, mais vraiment en deux mots, sachant qu'il n'y a pas eu de match, mais un petit imbroglio par contre, j'ai pu le noter. Et puis c'est parce que Guillaume revenait et que petit à petit il en demandait des nouvelles, le Montpellier Méditerranée Futsal, bien sûr. Ils ont eu des problèmes. Qui attend en fait sa fin de saison, c'est assez étrange. Flo nous avait signalé qu'ils avaient été qualifiés en quart de finale de la Coupe de France en tombant le leader de première division, Toulon. Ouais, derrière, finalement, ils ont été éliminés sur tapis vert parce qu'ils auraient utilisé, je crois, deux joueurs qui étaient. Ils ont eu un problème de certificat médical apparemment avec des dirigeants qui ont signé des papiers à la place de médecins. Résultat des courses, problème tant pour le quart de finale que pour le championnat, parce que visiblement ça a impacté d'autres matchs du mois de mars, notamment des matchs remportés par Montpellier. La commission d'appel de la FFF a décidé tout d'abord de qualifier le Toulon Elite Futsal sur tapis vert contre Montpellier Méditerranée Futsal malgré la victoire de Montpellier 6-4 le 23 mars dernier. Ça n'a pas réussi à Toulon, sachant que Toulon a été sorti par le Sporting Paris sur son terrain la semaine suivante. Et donc du côté du championnat de D2, situation un peu ubuesque, sachant que les équipes jouent mais Montpellier ne joue plus. On peut le donner. On sort des beaux mots encore. Le Montpellier Méditerranée Futsal est deuxième de la poule B, et devaient jouer la dernière rencontre décisive contre Toulouse. Et match en attente, le club d'Orchy dans l'autre poule monte et Montpellier, voilà, on attend une décision qui devrait arriver très rapidement. Voilà, c'était pour la page Montpellier-Rennes. Bah, je m'en vais de ma province natale et je vois que ça va pas très bien quand même. Globalement, c'est une saison moyenne pour le sport Montpellier. Saison un petit peu mitigée. Comme les tauliers comme le MHR ou le MHB qui sont un peu dans le dur comme ça. Tu après une saison notamment exceptionnelle en 2018. La pierre angulaire, il n'est plus là quoi. Tout est dépeuplé derrière. L'année 2019 est effectivement plus compliquée. Tu fais bien de le signaler, mais on espère avoir des bonnes satisfactions, notamment pour le waterpolo et pour le BLMA. Le club de Latte. Donc effectivement, on va pouvoir passer enfin à notre débat après avoir longuement parlé de résultats et cette fois-ci de Montpellier. Tout de suite, jingle débat de la semaine. Sport and chill, le débat de la semaine. Le débat de la semaine qui va nous occuper aujourd'hui va nous permettre de reparler foot et football français. Cette Ligue 1 devait nous manquer un petit peu trop, visiblement. Beaucoup trop. On va voir si on en parle pour son aspect positif ou négatif. Que le basket, hein. Je suis désolé. Hein. Oh, tu es dur. Il s'en passe, tiens, des choses. Et donc effectivement, s'il vous plaît messieurs, on va revenir sur la saison de Ligue 1 et notamment sur 4 équipes qui sont les grosses écuries, on va dire, du 21e siècle, dernières années, de l'histoire récente. Donc on parlera bien sûr du Paris Saint-Germain qui a été sacré champion de France. Parlera de l'Olympique Lyonnais, justement, il va y avoir que des mets, de l'Olympique de Marseille et puis enfin de l'AS Monaco. Donc saison particulièrement compliquée pour les clubs français, tant sur la scène nationale et européenne, même si on a eu l'éclaircie du Stade Rennais dont on a parlé déjà un petit peu plus tôt, qui nous avait fait vibrer tant en Coupe de France qu'en Europa League. Mais les grosses écuries de Ligue 1, elles, ont clairement montré leurs limites et n'ont pas cessé de décevoir avec un triste visage de ces têtes d'affiche. On va se demander un petit peu quels sont les facteurs explicatifs de cette saison très moyenne pour chacun d'entre eux et doit-on véritablement être inquiet pour la Ligue 1 encore la saison prochaine et éventuellement pour les performances de ces clubs en Europe. Et on va commencer par un club, ceux qui ont remporté un titre mais qu'ils ont eu tant de mal à remporter, le Paris Saint-Germain. Tant de mal. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu tant de mal, justement. C'est parce que les autres ne leur opposent aucune concurrence. Là où Lyon, Marseille ou Monaco pourraient un peu plus lutter pour être, je parle au niveau du budget, des recrues, et pourraient lutter pour entre guillemets, accrocher le PSG jusqu'au bout. On se rend compte que non, Marseille, Lyon, ça préfère lâcher des points contre Amiens à domicile, contre Caen et contre Nantes. Voilà, c'est ça le problème de notre championnat français, c'est que à l'heure actuelle, on a du mal à voir se dégager les grosses équipes. Elles ont du mal à assurer et derrière, ça fait que le PSG se balade. Le PSG est trop seul. Là, je crois que c'est une des premières années où le deuxième a à peine 2 points par match. Enfin, une des premières années récemment, depuis l'ère Qatari en tout cas, où le deuxième n'aura même pas 2 points par match. Donc c'est pour rejoindre un peu ce que tu as dit, c'est que c'est trop facile pour le PSG. Et donc pour s'attarder sur le cas du Paris Saint-Germain, c'est vrai que ça leur joue des tours. Alors après, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le manque de compétition qui explique leur saison assez morose. On peut mettre là-dedans le problème à la direction, les querelles dans l'organigramme du Paris Saint-Germain, un problème d'effectif. Là, on apprend récemment qu'il y a 2 voire 3 groupes dans le vestiaire, donc il n'y a pas une unité au sein des joueurs, des cadres qui sont toujours défaillants dans les grands moments. À Paris, la liste elle est tellement longue qu'on peut faire une émission là-dessus. Et le problème, c'est que ce constat-là, tu peux le faire sur les 4 gros clubs. C'est en fait, t'as un problème de gestion de la direction dans les 4 clubs qui fait que forcément le niveau de l'équipe paye. Et là, c'est criant cette année. Hein. Paris, bon, on sait déjà depuis quelques temps que ce club n'est pas respecté envers même ses propres joueurs. La direction n'est pas respecté. Quand tu vois des stars qui arrivent et qui ne respectent pas l'institution et qui passent comme ça. C'est l'incarnation de ça. Exactement, voilà. Daniel Vez aussi. Il fait ce qu'il veut. Le problème, c'est que Nasser est beaucoup trop gentil et pas assez ferme et il chouchoute trop ses joueurs. Alors, c'est bien de ramener des stars, mais il faut aussi qu'elles comprennent que la chose la plus importante, c'est avant tout le club, c'est pas le joueur. Ouais. Il doit se rentrer dans cette équipe-là, dans cet effectif-là, et le faire grandir et viser à long terme, pas que sa petite personne. Et le problème, c'est que t'en as beaucoup qui le font, et du coup, ben voilà, ça fait un vestiaire qui, chaque année, manque de cohésion, de solidarité, et ça se paye cash sur les matchs de Ligue des Champions, parce que c'est les matchs où Paris, on va dire, joue dans la cour qui devrait lui correspondre, mais chaque fois, ben, ils sont pas respectés parce qu'il manque de solidarité et un mental qui, forcément, depuis cette remontada, n'a pas été retrouvé. Enfin, ouais, un mental, et carrément, pour un peu grossir tout ça, moi je trouve que c'est carrément un professionnalisme qui manque au PSG. Aussi, oui. Sur l'approche de certains matchs et la manière de gérer le contexte et. Ouais, de gérer le match en lui-même. La gestion du retour. Ouais, la gestion du retour de l'échéance. Je trouve qu'il manque de professionnalisme. De ce match retour contre United où ils arrivent tous en voiture, c'est l'incarnation de l'individualisme au PSG. T'imagines un accident, ça peut arriver à tout le monde, un accident de la route. T'es embêté. Déjà que t'as un effectif à Mondry. Daniel Vest sur le périph bloqué. T'imagines le match que tu. Je vois pas du tout, par exemple, la Juventus, Cristiano Ronaldo venait avec sa Bentley tranquille, il vient au stade. Parce que il y a l'expérience, c'est l'institution, qui est solide. Tu sais que rien ne peut les bouger. Bon, là, ils se sont fait bouger par une équipe qui est extraordinaire. Ajax, qui a une super génération. Mais je les ai pas vus prendre l'équipe de haut, quoi. Non, la Juve, tu sais que avec des champions, ils ont l'expérience, ils savent qu'il faut prendre de haut personne. Alors que Paris, Manchester, ils sont ils prennent un peu une claque contre le Barça. Deux ans après, arrivent, pas de leçon. On n'a pas pris en maturité cette défaite. Et on arrive à Manchester. On a fait une bonne performance à l'aller. Là, ça va être une formalité. Il y a ces deux aspects-là dont vous me parlez que je trouve effectivement assez important. Un dernier aspect avant de parler dans notre club français sur lequel j'aimerais bien qu'on réagisse, c'est l'effectif aussi. C'est une équipe qui a eu beaucoup de blessures, mais qui a souvent beaucoup de blessures, donc c'est pas toujours le fruit du hasard. Assez vieillissante aussi, et où les jeunes joueurs pour le moment ont eu un peu de mal à s'intégrer. En cette fin de saison, le mal était fait avec l'Europe, mais on a senti aussi un effectif à bout de souffle. Leur saison leur saison était terminée après Manchester. Même les joueurs le disent, les infos qui sortent en ce moment, c'est que l'intensité aux entraînements n'est plus la même depuis Manchester. Les joueurs s'ennuient, il n'y a plus rien à jouer. Ils sont tellement blessés qu'ils font plus trop d'intensité. Justement, les blessés, ils viennent parce qu'à l'entraînement, il n'y a plus rien. Puis c'est pas comme s'ils n'avaient pas de centre de formation, le PSG, ils sont super jeunes aussi. Et le problème, c'est qu'ils font la Ligue 1, mais pour plus haut, non. Ils leur font pas confiance. Pour un match comme la Coupe de France. Un mec comme Colin Dagba était titulaire, s'il avait été conditionné. Ils leur font pas confiance, c'est ça. Même être Moussa Diaby, tout ça, ça peut jouer en Coupe de France. Moussa Diaby, il a largement le niveau de la Ligue 1. Mais après, ils n'ont pas le centre de formation qui permet de gagner la Ligue des Champions ou d'avoir 2-3 joueurs qui sortent. Après, il va y avoir encore le débat qui va retomber sur le tapis chaque saison, on va dire, moyenne du PSG où ils assurent pas où ils progressent pas, ils assurent que le minimum syndical. Et encore, cette année, ils l'ont pas assuré, ils n'ont même pas eu la Coupe de France. Ouais, c'est une vraie régression. On va mettre en cause encore Tuchel. Mais le problème, c'est que moi, c'est le haut de l'institution qu'il faut bouger. Sans doute parce qu'on avait dit que en 10 ans, on avait dit qu'Emery était pas l'homme de la situation. De respect pour l'institution venant d'en haut, où t'as un Nasser qui. On a changé, on a eu Laurent Blanc, on a eu Unai Emery, maintenant on a Thomas Tuchel. On a l'impression que personne ne va bien, il y a eu Ancelotti. Après, il y a peut-être d'autres problèmes. Pour faire tous les entraîneurs du monde, si en haut ça va pas et ça s'est pas respecté, chacun passera et n'ira pas dans le sens du club. Il est taillé pour jouer le plus grand rôle. Tuchel, il a un effectif vraiment de qualité. Il a eu un meilleur effectif que Laurent Blanc, par exemple, largement. Ah oui, c'est ça. Juste 30 secondes. Tuchel, il a quand même beaucoup de tort. Faut pas le virer parce que si tu repars à zéro chaque année, c'est un problème. Mais cette année, il a quand même beaucoup de tort. Il a fait des erreurs. Je suis d'accord, comme les autres aussi, d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'on voit dans les infos aussi qui sortent récemment, c'est qu'il n'y a rien qui va changer au niveau de l'organigramme. Ce qui n'est pas en sa faveur, c'est le recrutement qui pour moi a été catastrophique au milieu de terrain notamment. Après il y a eu l'affaire Rabiot, ça c'est sûr, mais il y a un manque d'anticipation. Après quand on voit qu'ils achètent Paredes 45 millions alors que pour moi en Ligue 1 il y a des joueurs aussi bons que lui et voilà pour moins cher. Ouais, mais ça fait pas vendre, c'est toujours le problème dans le recrutement du PSG, et c'est pas forcément en qualité mais aussi en quantité. Il leur a manqué des millions en quantité quand tu vois que Daniel Alves il joue au milieu ou Draxler alors que c'est pas leur poste de base. C'est pas un recrutement intelligent, c'est comme celui de Marseille aussi. Là, il commence à pleurer parce que. Justement, allons-y. Tu voyais, enfin, moi, je disais. Mais ils ont pas renouvelé l'effectif de Marseille, en fait. Tu recrutes que des joueurs qui ont la trentaine. Forcément, au bout d'un moment, tu vois bien que sur le long terme, ils vont être essoufflés et tu pourras pas compter sur eux. Mmh. Là, tu le vois, je veux bien, tu mets beaucoup d'argent sur un Payet, un Luis Gustavo, forcément, vous pouvez pas te faire 5 ans au top niveau. Mmh. Donc, faut pas Effectivement, donc, juste pour venir à l'Olympique de Marseille, on peut être comme quoi pour Paris, on peut être champion et être une grande déception de la saison, surtout lorsqu'on est champion. Ce qu'il faut mieux. Aussi facilement, comme on disait, saison après saison, et que du coup, le palier, il est ailleurs. Et puis l'Olympique de Marseille aussi, pour venir sur une autre équipe, pour laquelle plane l'incertitude d'une qualification européenne de plus en plus hypothétique, de toute manière. C'est solide. Hein. Les Marseillais sont 5e, 3 points devant Montpellier, et voient s'échapper Saint-Etienne après une nouvelle défaite au Vélodrome contre le FC Nantes, 2-1. En prime, Jacques-Henri Hérault nous régale dans les médias avec des propos toujours plus loufoques pour envisager un retour de l'OM au premier plan. Tu comprends l'état du dans le fameux Champions Project porté par les investisseurs américains. Rudy Garcia, lui-même, on peut se demander si c'est encore l'homme de la situation de cette équipe, avec des déclarations aussi et une gestion de groupe qui peut poser question. La saison de l'OM aussi est vraiment moyenne. On voit une Ligue 1 très limitée. Lorsqu'on oublie le PSG, et on pourra faire le pont ensuite entre les deux Olympiques, entre Marseille et Lyon, on a une troisième et une quatrième place. On pourrait dire, ah tiens, cinquième mais d'ailleurs, pardon, faire, pour Marseille. On pourrait se dire, ah, donc, c'est pas si mal, mais quand on regarde le détail et quand on regarde les dernières années, on a deux clubs qui régressent finalement. Ouais, mais après, je pense que pour le cas de l'Olympique de Marseille, c'est différent de l'Olympique lyonnais, par exemple. Je pense que l'Olympique de Marseille, c'est une fin de cycle qui avait déjà été constatée à la fin de la saison dernière. Mais un cycle qui n'a pas duré longtemps finalement. Quoi. Ouais, c'est ce qu'on appelle un épiphénomène. Et l'ascension était très courte, c'est ça le problème pour un club comme Marseille. Le problème, c'est que. Ils n'ont rien changé. Au recrutement, ils se sont trompés. Un mec comme Strootman, comme Kalaitachar, c'est deux vraies déceptions. Alors qu'ils ont quand même coûté de l'argent. C'est un mec qui a beaucoup d'argent encore. Le problème, c'est que déjà, il y a eu cette fin de cycle qui a été constatée. Et ils ont maintenu. Enfin, la grosse erreur de l'Olympique de Marseille, c'est d'avoir surtout prolongé Rudy Garcia en début de saison. Et là, je pense que Hérault s'est tiré un peu une balle dans le pied parce que soit il va devoir le limoger et ça va coûter 10 millions d'euros. Donc c'est 10 millions de moins pour une éventuelle recrue. Soit il va perdre de l'argent, plus l'homme de la situation. Donc, on expliquer les avantages de ce choix. Quoi. Sur le cas de l'OM, moi je suis moins d'accord que vous concernant les joueurs. Je pense que même avec un effectif, allez, un peu en fin de cycle, quoi. Ça doit faire au moins quatrième, mais strict minimum. Ça doit faire troisième. Ça doit faire troisième parce qu'on l'oublie, mais le parcours catastrophique en Europa League. Pas tous en même temps. En Europa League, ça doit sortir des poules. Et après, t'as évidemment le. La saison de Lille, tu peux pas la prévoir. Bon, elle est là, Oui, mais bon, tu fais au moins quatrième. Tu dois être devant ça au moins quatrième en termes de budget. Mais je pense que le problème de Marseille, c'est pas forcément donc les joueurs, parce que Kalaitachar, ça va mieux quand même. Il est arrivé trop. C'est moyenne à ce Kalaitachar. Ouais, ça décollera pas. Mais je pense que c'est vraiment l'organigramme. Jacques-Henri Hérault, c'est un pantin. Le président, enfin l'actionnaire. McCourt. Ouais, McCourt, qu'est-ce que. On se demande pourquoi il est là. Un peu les coups, oui, il est nul. Contrairement la com en plus. Hier, Marseille perd 3-1 parce que Nantes a marqué un but hors de la surface. Oui, c'est vrai. T'as raison. Mais t'imagines le truc en plus. Les mecs, ils perdent deux buts d'écart à la fin. Tout le monde tire en dehors de la surface. Les mecs à 45 mètres, ils tirent. Mais il est débile, complet. C'est absurde. Moi, il a peur de rien. Enfin bref, donc j'attends de voir la réaction de Noah Alex. Parce que sinon, jamais dit ça. À Marseille, donc moi, je pense que. Vraiment le problème il est plus sur l'organigramme sur les dirigeants qu'à Paris où il y a aussi les joueurs à mettre dans le statut a changé aussi à Paris maintenant ça pue la loose par rapport à Lyon par exemple. Lyon, je pense que c'est aussi un problème de joueurs parce que Lyon n'a peut-être pas les mêmes objectifs que Marseille. Lyon peut être champion de France. Donc Marseille, vraiment pour moi le gros problème c'est En tout cas Lyon veut se donner les moyens d'être champion de France. Lyon pourrait mais l'effectif non. C'est en progression mais c'est qu'à Marseille l'effectif est suffisant pour l'objectif alors qu'à Lyon l'effectif n'est pas suffisant. Justement je viens sur Lyon pour qu'on ait quelques minutes à parler sur Lyon et que en conclusion en deux minutes on puisse parler de la saison très difficile encore une fois de l'AS Monaco. L'Olympique Lyonnais c'est pas plus reluisant en effet. La saison est compliqué, tant sur le terrain c'est qu'en coulisses. C'est mieux que Marseille, on va pas se mentir. Oui, c'est mieux que Marseille. Il y a eu. T'as le 8ème qui sauve. Il y a eu notamment un 8ème effectivement de Ligue des Champions. Ouais. Un exploit à l'Etihad Stadium contre Manchester City qui aura malgré tout marqué la saison. La phase de poule a été quand même plutôt bonne. Mais Lyon a été encore une saison marquée par le saut de l'irrégularité, souvent trop sauvée par Anthony Lopez. Comme en proie beaucoup d'errements défensifs. C'est une équipe qui prend beaucoup beaucoup de frappes, même contre des petites équipes, ouais. Qui a laissé alors filer des matchs contre des équipes qui sont vraiment faibles, à l'image sans leur faire offense de Dijon il y a peu de temps à domicile où ils perdent 3 je crois en plus. Tu peux leur faire offense hein, parce qu'ils sont vraiment nuls Dijon. et malgré donc cela, c'est vrai que les Lyonnais ont eu quelques coups d'éclat dans la saison comme ceux que j'ai donné. Et à ce jour, ben, on se retrouve avec un Lyon dont la place de 3ème, bon, même si ça devrait sans doute passer, est malgré tout menacée, cette place qualificative pour le barrage de Ligue des Champions. Un Lyon qui normalement, ouais, peut-être pas gagner le titre, mais devrait être en mesure de se hisser au niveau du LOSC. 25 points. Je vais être gentil, ouais, solide deuxième. Au niveau du LOSC, voire solide deuxième derrière le Paris Saint-Germain. Faudrait et où l'institution OL aussi vacille un petit peu, à l'image de la communication autour de Bruno Genesio, qui sera d'ailleurs pas l'homme de la situation pour la saison prochaine, mais où il y a eu. Cette gestion-là, il faudra en parler aussi. Il y a eu des discussions dans un sens, dans un autre, où on s'y retrouvait pas, et où justement Jean-Michel Aulas lui-même, alors que c'est le symbole de ce club est extrêmement respecté à Lyon et lui-même aussi critiqué par les supporters lyonnais, pas autant que Bruno Genesio, mais à de vives critiques. Il y a un peu tout qui est remis en cause, mais après là, c'est dans le cadre de l'Olympique Lyonnais, c'est un peu la facilité. Il y a eu une haine anti-Genesio, comme si c'était lui vraiment le mal qui incarnait l'équipe. Alors que je suis pas d'accord. Moi non plus, je suis pas d'accord de mon point de vue. Et pourtant, je suis supporter de Lyon. Genesio, c'est un bon coach. Mais le truc, c'est que là, je pense que le climat est tellement hostile et là aussi, on arrive à la fin d'un cycle. Il est lui-même serait parti, je pense. Même si Aulas n'avait pas fait ce coup. Ouais, c'est un mec assez digne. Voilà. Aulas, avec des valeurs. Je pense qu'il le sait, qu'il est plus l'homme de la situation et que la page est tournée, en fait. Après, peut-être que c'est le genre de mec, et peut-être que les supporters l'ont vu, qui te ferait pas passer un palier et évoluer. Ça soit au niveau Ligue 1 ou même européen, quoi. Ça c'est possible, oui, par contre. Possible aussi. Ouais. Et peut-être qu'Aulas l'a vu et après il a un peu mal géré la décision, tout ça, mais ça sentait. Est-ce que c'est pas un défaut lyonnais finalement de vouloir systématiquement aussi du local. Une structure lyonnaise? Mais si, mais c'est remarquable par certains aspects, mais faut mais que ça soit une marionnette pour Aulas, en fait. Ça soit toujours lui le boss. Et même pour les nouveaux staffs, ça pose question. Parce qu'effectivement, il faut intégrer un entraîneur des gardiens lyonnais ou un préparateur physique. Fermer sa bouche quand on se demande quelque chose. Il est peut-être disposé à changer là. Justement, il a dit qu'il prépare un coup, donc des rumeurs blancs, Wenger, Mourinho. Non, Wenger, il Mourinho, pas. Ça me surprendrait beaucoup que Mourinho arrive à Lyon. Il y a eu un problème, pour revenir sur la saison lyonnaise, vraiment. J'ai l'impression qu'il y a des joueurs avec Genesio qui régressent, quoi. Ah oui, bah Fekir, ça régresse. Ouais, Fekir, ça fait 2 ans qu'il régresse. Ouais, oui, c'est peut-être Depay pas aussi, sa blessure aussi. Depay, ça régresse. Traoré, ça régresse. Ouais. Marcello, ça. Aouar, ça a régressé cette saison. Qui? Aouar aussi. Dembélé a fait une deuxième partie. Alors c'est là où il doit exploser. Et je pense que ça fait un bon moment que Genesio n'aurait plus. Le vestiaire apparemment ne vit plus très bien, apparemment. Ouais, je pense qu'il faut un changement impératif. Il faut un coach étranger, moi. Je l'avais déjà dit en plus. On en a parlé peut-être du bien. Il serait temps peut-être. Et c'est vrai que Lyon, en plus, qui nous avait toujours habitués à être assez irréguliers, chaque fois dans les gros matchs, ils étaient là. Et souvent, tu le sais, des fois, ils perdaient un peu de points, mais dans le sprint final, ils étaient là. Ils étaient toujours là. Et ben, cette saison, ils faisaient des super séries. Saison, et là, c'est pas du tout le cas. Donc c'est pour ça qu'on se dit que la machine est enrayée. Quoi. Ouais, mais bon, tu prends la 3ème place, et comme tu dis, Romain, il y a les barrages, donc t'es sûr de rien non plus. Après, tu perds à Lille et Saint-Etienne gagne, t'es qu'à 3 points. Voilà, hein. Ouais, ça peut vite arriver, mais si je les vois pas craquer. Je vois pas gagner contre Lille, je te l'annonce. Oui. Ah, tu vois pas Lyon gagner comme ça? C'est à Lyon, mais bon. Ah, sur les gros matchs comme ça, ils sont. Ah, mais Lille, ils sont imbougeables en ce moment. Lille, ils ont remis la marche avant. Il y a eu un moment de bouger. J'aurais du mal à le parier, celui-là, par exemple. Ouais, en ce moment, il vaut mieux jouer le PSG que Lille. D'ailleurs, ils l'ont appris à leur dépens avec le fameux 5-1. Alors, tu jouais Nantes, hein? Déjà, c'est des choses qui arrivaient jamais, ça. Ouais, clairement. C'est assez hallucinant. Moi-même, j'en revenais pas, malgré le. la composition d'équipe proposée, j'en revenais pas. Dernier club que je souhaitais évoquer, mais là on aura vraiment peu de temps, donc je vais faire réagir un supporter monégasque, et peut-être quelqu'un pourra juste réagir sur ce qu'il a dit, s'il vous plaît. Donc c'est l'AS Monaco, bien sûr, le dernier club. On avait trois institutions qui sont des déceptions, on en a même quatre avec l'AS Monaco, qui a fait une saison assez désastreuse. Et c'est pas terminé. Ah, c'est pas fini, hein, ils sont pas encore sauvés. Il y a tout le monde qui les voyait sauvés quand Jardim est revenu, qu'ils ont enchaîné un petit peu. Ils sont que 3 points au-dessus de Caen. Au-dessus de Caen, au-dessus de la place de barragiste. Donc il n'y a rien qui est fait encore. Ça va passer. Ouais, bon, c'est un match en bonus. Voilà, Rennes et Saint-Etienne, ils jouent. C'est ça. Après, saison particulière. Ils virent Jardim, ils lui donnent beaucoup de sous. ils embauchent Henry un peu trop tôt pour moi, qui n'était pas prêt pour ce poste-là. Du coup, ça revient. On recrute bien. Ce qu'on aurait dû faire cet été, on le recrute, on le fait cet hiver. Même si pour moi, il manque encore avec les sous qui se sont faits ces dernières années. Il manque de la qualité encore dans ce recrutement-là. Et au final, pour reprendre Jardim, du coup, qui est tout content parce qu'il a un meilleur effectif, mais bon. Un meilleur salaire aussi. Il est parti avec une belle prime, il revient, voilà, ils ont dû encore lui donner un bon salaire, et il revient, et au final, ça gagne pas tant que ça. Hein. Voilà, 32 points, saison à oublier. Moi, je pense que cet été, il va falloir s'activer pour vraiment se mettre sur un vrai mercato. Recruter des joueurs d'expérience, parce que recruter que des jeunes partout, ça, au bout d'un moment tu peux pas gagner. Je pense qu'ils l'ont appris là, ils ont compris là. Pour le maintien des Fabregas, pour comprendre. Mais après, c'est vrai que ce club, voilà, il est tellement indépendant du modèle que l'explication de leur saison, elle est là, hein. Elle est pas sur la qualité des joueurs, hein. Ça doit top 6 facile avec les joueurs. Mais le modèle, une fois ça passe, une fois ça passe pas. Et après, sur la gestion de l'année, le cas Henry Jardim. Avec aussi le départ de celui qui a divorcé là, Vassiliev. Vassiliev, ouais. Rebolovlev, c'est le propriétaire. Il y a eu tout. Il y a rien qui les a aidés non plus. Quoi. Qui était effectivement Vassiliev, l'image de cette équipe. Donc effectivement. Quatre clubs malades de notre qui championnat que français. Ligue 1, malgré les dernières années qui semblaient être en progression, finalement, quand tu vois les institutions des quatre clubs majeurs, après il y en a qui travaillent. Et la gestion des clubs, c'est très décevant. Bon. C'est certain. T'es pas ville que Monaco il y a, c'était quoi, 3 ans, 2 ans? Non, 2 ans. Deux ans. Pour demi. T'es champion en demi Ligue Champion, tu vois la chute derrière, tu comprends que la Ligue 1 est loin de. C'est vertigineux. De progresser de manière constante. Et on la voyait progresser, c'est difficile. Les Anglais, pourront continuer à nous appeler Farmers League. Malheureusement, on va terminer là-dessus, s'il vous plaît. Je vois que ça pourrait nous animer nos débats, et j'en suis pas surpris pendant bien longtemps. Surtout qu'on a quand même fait le pari d'évoquer 4 équipes en assez peu de temps. C'était ambitieux. C'était ambitieux, même très très ambitieux. On pourra continuer à en parler également au travers de notre groupe le Café du Commerce, pour ceux qui le souhaiteront. On espère vivre quand même quelques petites dernières journées de championnat intéressantes, et pour le moment en tout cas on va se quitter avec une petite pause musicale avant de revenir pour le final de notre émission. Deuxième son choisi par Tim. J'ai choisi un classique, c'est 50 Cent avec The Game, Hate It or Love It. Coming up, I was confused. My mommy kissing a girl. Confusing the curse coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing, check out my melody. I wanna live good, so shit, I sell dope for a 4-finger ring. One of them gold ropes. Nana told me if I pass, I get a sheepskin coat. If I can move a few packs, I get the hat. Now that'd be dope, tossed and turned in my sleep that night. Woke up the next morning, niggas have stole my bike. Different day, same shit, ain't nothing good in the hood. I run away from this bitch and never come back if I could. Hate it or love it, the underdog's on top. And I'm gon' shine, homie, until my heart stops. Go ahead, envy me, I'm Raps MVP. And I ain't going nowhere, so you can get to know me. Hate it or love it, the underdog's on top. And I'm gon' shine, homie, until my heart stops. Go ahead, envy me, I'm Raps MVP. And I ain't going nowhere, so you can get to know me. Nick! On the grill of my lowrider, guns on both sides, right above the gold wires. I 4-5 them, kill a nigga on my song and really do it. That's the true meaning of a ghost rider. 10 G's to take your daughter out of Air Forces. Believe you me, homie, I know all about losses. I'm from Compton, where the wrong colors be cautious. One phone call, I had your body dumped in Marcy. I stay strapped like car seats, been banging since my little nigga Rob got killed for his Barclays. That's 10 years, I told Pooh in 95 I kill you if you try me for my Air Max 95s. Told Banks when I met him I'm a ride, and if I gotta die, rather homicide. I ain't had 50 cent when my grandmama died. Now I'm going back to Cali with my Jacob on. See how time fly. Love with the underdogs on top, and I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. These are the love with the underdogs on top, and I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. From the beginning to the end, lose is lose, win is win. This is real, we ain't got to pretend. The cold world that we in, it's full of pressure and pain. Enough of me, nigga, now listen to game. Used to see 5-0 throw the crack by the bench. Now I'm fucking with 5-0, it's all starting to make sense. My mom's happy, she ain't gotta pay the rent, and she got a red bow on that brand new Benz. Waiting on shot money to land, sitting in the range, thinking how they spent $30 million on airplanes when his kids starving. Pockets going and Brenda still throwing babies in the garbage. I wanna know what's going on, like I hear Marvin. No school books, they use that wood to build coffins. Whenever I'm in the booth and I get exhausted, I think, what if Marie Baker got that abortion? I love you, ma. The underdogs on top, and I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. These are the love with the underdogs on top, and I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. Et nous sommes de retour dans Sport & Chill pour la dernière partie de cette émission 31. Et nous allons parler désormais brièvement, mais parler quand même de Formule 1 avec un Grand Prix qui a eu lieu ce week-end, le Grand Prix de Bakou, effectivement un Grand Prix particulier en Azerbaïdjan, qui a vu la victoire de Valtteri Bottas devant son coéquipier. Devant son coéquipier Lewis Hamilton. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas ma meilleure vanne, celle-là. Bakou, il coûte pas cher le Grand Prix. Allez, je te la passe. Mais justement, tiens, Guillaume, ça nous amène forcément à une question, ce Grand Prix. C'est qu'on a vu une victoire Mercedes encore. À nouveau. Les Ferrari encore en second plan. Et finalement, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y a encore du suspense dans la Formule 1? C'est la question que je me suis posée depuis hier, depuis que j'ai vu ce énième Grand Prix remporté par le duo Mercedes. C'est le constat que je craignais faire déjà après ce début de saison, c'est que Mercedes est encore largement en avance, quoi. Je vois pas la Ferrari progresser encore cette année par rapport à l'année dernière, voire même l'année d'avant où je l'ai trouvé encore mieux. Malgré les changements techniques, tout ça, je ne les vois pas évoluer et Mercedes reste encore le taulier indéboulonnable. Ils ont encore une meilleure voiture, peut-être même encore le meilleur moteur. Et ils ont quand même deux super pilotes. On le voit encore, Bottas qui est un 2 bis parce que Hamilton est stratosphérique, mais Bottas est encore un pilote de grande qualité. Et meilleur que ce que beaucoup disaient d'ailleurs. Oui. Ouais, qui était annoncé comme outsider vraiment en second. Et on voit que ce mec, que ce soit dans la tête ou même dans la conduite, il a la capacité pour être numéro 1. Il est costaud parce qu'il a pris des dépourvus aussi. Enfin... Ouais, il a souvent été dans l'ombre aussi d'Hamilton. Et on voit qu'il est en progression, ce garçon. Alors que Vettel, qui est censé être le concurrent numéro 1 d'Hamilton, régresse complètement depuis deux ans maintenant. Un multiple vainqueur. Mais on voit qu'en plus, même dans sa gestion des courses, je vois faire des erreurs que je ne voyais pas faire il y a quelques années. Donc je me dis que l'écart, en fait, au lieu de se diminuer, il s'accroît. En fait. Donc ce qui m'inquiète beaucoup pour cette année et même les autres années. Parce que la Ferrari régresse, la Red Bull a l'air de aussi stagner dans cette troisième place et ne se rapproche même pas de Ferrari, donc ça veut dire que ça pousse pas Ferrari non plus à un peu se bouger. La bonne note cette année, c'est la McLaren qui marche mieux, on le voit, hein, c'est une bonne voiture. Et globalement aussi, il faudra y revenir, à part Leclerc qui évidemment avec une Ferrari tient la route, mais les Français qui aussi sont à court de vitesse. Quand je deux vois sorties le... de piste ce week-end à Bakou. Quand je vois le début Pierre de saison de Gasly qui est dans une écurie qui est plus performante avec soi-disant un meilleur moteur, et qui fait un début aussi compliqué que ça. Ça m'inquiète aussi, Grosjean, ouais, qui lui. Là, à l'inverse, chez Red Bull, la hiérarchie est déjà faite entre Verstappen et. Ouais, il n'y a pas de doute. Ah oui. Mais entre un Verstappen qui tient son rang, qui tient toujours cette troisième place et qui peut toujours être menaçant envers les deux premières. Il gagnera un ou deux grands prix dans la saison. Voilà, même. Il va gagner quelques. Mais Gasly, je le vois vraiment en difficulté. Je le vois pas pour l'instant être capable de passer le palier. Et ça m'inquiète parce que c'était un pilote en qui je jouais beaucoup d'espoir. La saison dernière, avec une voiture espoir très moyenne, dessus. Il avait été surprenant. Et là, cette année, pour l'instant, il a du mal à passer le palier. Comme Renault aussi, pareil, l'an dernier, on les voyait sur une phase de progression. Il termine juste derrière Haas, mais c'était le concurrent. Et là, ils ont beaucoup de mal à continuer leur ascension, surtout qu'en plus c'était prometteur vu qu'ils avaient un pilote de grande qualité qui les rejoignait, et on voit qu'à l'image de ce pilote ils ont du mal à poursuivre cette ascension, donc il y a des signes assez inquiétants pour les Français et pour l'écurie française. C'est clair, et c'est vrai qu'on a vraiment une hiérarchie qui se recrée, qui apparaît avec Mercedes, Ferrari, Red Bull, vraiment dans cet ordre-là. Et effectivement, d'autres écuries aussi qu'on aurait aimé voir, ne serait-ce que leur blason un petit peu redoré, à l'image tu parlais de Renault, bon, même si McLaren ça va mieux. Sauf qu'ils annonçaient et pour lequel ce n'est pas le cas. Et c'est pas le cas, et malheureusement, je pense que le seul suspense sera peut-être le duel entre Bottas et Hamilton. Ouais. Est-ce que c'est une avance considérable donc, Est-ce que Bottas c'est vraiment un bis? Ou sinon, là, il vient de prendre la tête du championnat. Et au fil de la saison, est-ce qu'il y aura des consignes d'équipe comme C'est la question que beaucoup se posent. Hamilton, ça reste quand même. Si c'est le cas, ça va être vraiment terrible pour la saison. Hein. Même si Bottas montre que sur le plan qualité, il peut être un numéro 1 bis aussi. Mais j'ai peur que Toto Wolff privilégie encore une fois la voiture de Hamilton, qui est quand même la marque, le vrai numéro 1, le taulier. Peut-être même le chouchou de ces dames aussi. Donc, c'est assez évident, effectivement. Il y a tous ces aspects-là autour de lui. Si mais pour ça le moment, continue comme le début de saison, comme à Bakou, il n'y a pas eu de consigne. Ouais. Ils ont laissé les deux hommes se battre pour la première place, se livrer un duel qui était beau, qui était noble, où ils ont été très rapides. À noter quand même aussi que le plus rapide, finalement, ça a été Leclerc. Il est capable de rouler. Il y a deux grands prix. C'est d'autant plus frustrant. Excuse-moi. C'est d'autant plus frustrant. Ça tombe bien, on aura moins de temps de cinquième. Donc c'est assez paradoxal et frustrant pour lui, je pense encore. Mais voilà, Ferrari gère mal et j'ai peur qu'encore Mercedes soit largement au-dessus cette année et voire encore sur quelques années. Et effectivement, c'est une crainte qu'on peut tous avoir. Une question du quiz qui saute, mais bon, on a moins de temps ce soir. Nos chillers font fort. On aura l'occasion de reparler plus amplement de la Formule 1 lors d'une prochaine semaine et donc du prochain Grand Prix. On a un petit peu moins de temps à cette occasion, mais je pense que l'essentiel est dit et on passe au grand moment de l'émission. Jingle quiz. Sport and chill, le quiz. C'est plus frustrant. On va pouvoir mettre la petite musique qui met de la tension et cette semaine celui qui nous gère le quiz, c'est Guillaume et on a Michel qui participe au quiz avec nous aussi s'il le souhaite. C'est toi qui dis Michel, aucune obligation. Comme tu le sens. Et puis bien sûr, c'est Guillaume qui devient le boss, il gère la gueule. Alors. On va commencer avec du basketball. Tour de table. Nous avons un nouveau Milwaukee Boston en playoff après la série de l'an dernier au premier tour, qui a vu la victoire 4-3 des Celtics. Il y a eu combien de points d'écart sur l'ensemble des 7 matchs? Ouh, intéressant ça. On commence par Guillaume, t'as l'air intéressé. Sur l'ensemble des 7 matchs? Ouais. Te dire au point à virage. Oui, point à virage. Et tu vas chercher l'exactitude du. Oui, parce que c'était. Si vous avez regardé le match hier, c'était écrit sur l'écran. J'ai. C'est là où j'ai eu mon info. J'ai dû avoir un moment de relâchement. J'ai suivi ça, mais pourtant. Allez, faut donner une réponse. Allez, grand. Sur l'ensemble des 7 matchs, c'est pas évident. Grand. Je vais dire. 80. 92. Sur l'ensemble des 7 matchs, moi je vais dire 67. 45. Où il est là? Où il a l'air serein? 38. La réponse est 4. Non. Je voulais dire 700, un truc hyper bas, moi. 717 à 713. Point pour moi, du coup. Je ouais, bah oui, évidemment. Je me suis fait. C'est une erreur. Ouais, je suis parti sur ta dynamique, du coup. Ah, j'ai. Non, 80, je t'en pas, tu vois. Rapidité, incroyable. Messieurs, football. Quel joueur a inscrit un triplé en Ligue 1 ce week-end? Atal. Pour Romain. Avec Nice, victoire 3-0 des Niçois face à Guingamp. Ah, je l'ai sur MPG, les gars. Ah, t'as régalé un chip. Ah oui, je suis pas allé voir d'ailleurs. J'ai dû prendre une tôle. C'est pas fini. Tour de table à nouveau. Combien de clubs de l'élite dans les 5 grands championnats 6, j'ai rajouté le Portugal. Combien de clubs dans ces 6 championnats sont déjà officiellement relégués? Combien de championnats? On va commencer avec Romain, tiens. Officiellement relégués. Je vais dire un ordre d'idée. Ouais, ouais, j'ai un truc. Je vais dire. Je vais dire. 4. 4 pour Romain. 7. Je vais dire. 4 aussi. 5. 2. Point pour Romain et pour Tim, c'est 4. Ouais. Je les avais tous. Huddersfield, Fulham, le Chievo Vérone et au Portugal, Ferenc. Et oui, Ferenc. Ferenc. Et oui. Les Tebs sont moins 8. Deux points baissé. Pour Romain. Je savais qu'il y en Angleterre, mais après. Pas en Espagne. Question spéciale. Ah oui, j'ai introduit une nouvelle nouveauté qui, cette fois, j'espère, va marcher. Une question spécialité. Romain, qui a terminé 4e de l'AJ Bastogne-Liège? Qui a terminé 4e? T'as donné les trois premiers tout à l'heure. Ah, ça serait dur. Et tu m'as volé ma question. Donc la place du coup. Oui. Eh oui. Ça dit en passant. Ou de Saint-Etienne. C'est deux points la question. Dans les deux cas, tu as gagné. Spécialité. Ah. Merci, guys. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Bon, je vais pas avoir. Pas beaucoup d'histoire. Bah. Putain, qui c'est qui était dans ce sprint? Time. Take your time. Ah non, c'est pas lui, je sais. Allez, que c'est pas lui. Un nom. Ouais, non, mais c'est pas ça. J'allais dire Dylan Tuns, mais je suis sûr que c'est pas lui. Non, c'est Adam Yates qui fait 4. Oui, c'est vrai qu'il y avait Adam Yates. Ah, elle est dure, ça là. Ouais. Tour de table pour tout le monde cette fois. Kevin Durant tient donc la forme de sa vie en ce moment avec une moyenne de 40 points sur ses derniers matchs. Il a égalé contre les Clippers le record de points en une mi-temps en playoff. Combien? On va commencer avec Tim. En une mi-temps. Je vais dire 28. 28. Guillaume. C'est pas mal. Ah, Guillaume. Oh, c'est énorme, ouais. Ah, je vais dire 25. 26. 31. Oh. 35. J'ai 35 ça en plus. T'avais dit combien toi? 28. 28, c'est donc Jules qui gagne avec 35 puisqu'elle en a mis 38. Ah, j'avais 31. En une mi-temps. Bon de Dieu. Et 50 sur le match. Ouais, tant que ça, joue. Solide. Question spécialité pour Guillaume. Où se déroulera le prochain Grand Prix? Bonne question. Je l'ai mauvaise d'avoir raté ma question d'ailleurs. On est quoi là? Je vais pas regarder. Il va falloir donner une réponse, mon gars. Tu l'as? Attends, on est quel mois là? On est au mois de. Avril, on arrive au mois de mai quoi. Gagne pas du temps là. Ouais, ouais. On avait fait pareil pour moi. Allez, 5 secondes. 4. 3. Je dirais Espagne, mais je suis pas sûr du tout. Espagne. Ah, bien. Compris. Barcelone, 2 points. Oui. Question pour Michel. Du coup, alors Romain m'a dit que tu étais spécialiste de foot parce que je savais pas. Donc, voilà. Nous non plus, on le savait pas d'ailleurs. Veux, vas-y. Connais ça. Combien de buts a Alain sous le maillot de l'OM pour Mario Balotelli? En Ligue 1? Ouais. Voilà, cette saison, depuis qu'il est arrivé, il en a marqué 0 avec Nice. Mmh. Ça doit être simple. Il doit être à 7. Eh, dommage, 8. Oh, elle est dure celle-ci. Ah, il a pas celui d'hier. Il a mis le 8ème hier. Ah, elle a pas mis le 8ème. Aïe, aïe, aïe. C'est mal cette mage. C'est une petite tête. Tour de table pour tout le monde. Question tennis. Période lose pour Lucas Pouille qui n'a plus gagné un match depuis sa demi à l'Open d'Australie. Pour le tennis français, tout simplement. Sur combien de défaites consécutives au premier tour pour Lucas Pouille? On va commencer avec Michel. Tu fais 11. Tu vois le poulet? 11. Ouais. J'allais dire 12, vraiment. Défaite au premier tour, les gars. Au premier tour. Ouais, ouais, peut-être le chauffe un peu. Je partirais sur 8. 8. Ouais, je dois me chauffer. Je veux dire 5, moi. Si peu. Ouais, si peu. C'est déjà pas mal, les gars. Non, c'est vrai que je me chauffe, moi. Je suis vraiment. C'est pas la joie, quand même. Ouais. Je suis en train de. Je suis en train de t'aider. Comme un café demi en grand chelem, finalement. Aïe, Guillaume. Ouais, je vais dire 8. On t'oriente en plus. Point pour Tim, c'est 6. Oh, je vais juste donner le double. Ouais, y a pas de temps de ton AXA depuis. Je connais mon poulain, hein. C'est vrai. Ouais. Tour de table, vu que vous m'avez volé la question tout à l'heure, je l'ai changé. Quelle a été l'audience de la finale de la Coupe de France? Le plus proche. Au stade ou à la télévision? Tour de table. Non, à la télé. Tour de table. Tour de table, Jules, pour commencer. Alors là, ouais, 6 500 000. Il y avait The Voice à côté ou pas? Oui. Je veux dire 4 millions, moi. 4 millions pile? Ouais. Enfin, les 3. 4 200. Puriste. Ah, j'étais par là, moi. Allez, 4 millions. Je vais dire au-dessus. 5. 500. Eh ben, bravo Romain, puisque c'est 4 millions 6. Ah, quand même, hein? Ouais. Ouais, ça a bien résisté, ouais. Bah, le PSG, ça marche toujours, hein. Ouais, c'est vrai. Eh oui, eh oui. Footix. Question pour Jules. Normalement, tu devrais trouver où va signer Mathieu Bastaro. Oh, facile. À New York. Ouais, à New York, ouais. Bah, ouais. Il est content c'est quand il a répondu la question. Facile. Et ouais, mais lui, il m'a pas volé la question. Lui, j'ai pas eu à la trouver pendant l'émission. Ouais, c'est vrai. je la voulais pas. Deux points donc. Rapidité. C'est une info que j'ai eue cet après-midi. Quelle sportive a parcouru le marathon de Londres en 3h22 et 45 secondes? Yes. Clémence Calvin. Non, une sportive hors athlétisme. Je me doutais. C'est rapidité, vous pouvez y aller. Hein. Alors là, on va éviter de dire de conneries. Retraité. Ah, retraité. Marion Bartoli. Je sais pas. Je sais même pas d'inspi là. J'ai rien qui me vient. Indice, même sport. Ah. Amélie Mauresmo. Ça me revient d'un coup. Ah ouais, la vache, solide quoi. Je l'ai vu. Ah, viens la bouger, Amélie. Hein. Ouais, ouais, solide. Hein. 3h22, ouais, c'est solide. Hein. C'est hein. S'entraîner l'équipe, s'entraîne l'équipe de France. Elle, elle a dit qu'elle a galéré les 8 derniers kilomètres et en plus elle a fini avec son fils. Non. Ouais, c'est surhumaine. Ouais. C'est Wonder Woman. Question pour toi, Tim. Qui a remporté le tournoi WTA de Stuttgart? Kvitova. J'arrive jamais à le dire. Bien menti. Deux points pour Tim. Il n'y a que moi et Michel qui sont rétamés pour moi. Cette question-là. Ouais. Rapidité. Qui est le premier pilote en Formule 1 au classement du championnat du monde hors des trois grosses écuries? Max Verstappen? Non. Ah non, Sergio Pérez. Sergio Pérez, ah, okay, pour Romain. J'avais pas compris la question, j'avais du mal à monter. Hors des. Ouais. Un coup, je me suis dit, t'as dit 3 et pas 2. Ouais, c'était hors Mercedes et Ferrari, du coup. Ouais, moi aussi. Non, j'ai dit les 3. Non, elle a été bonne, mais la question était bonne, mais c'est mon cerveau qui a pas été bon. Je vais accélérer. Une question. Malheureusement, vacances, oui. Un peu en chair. Enfin, non, bah, je vais vous donner la liste. Il y a 4 ans, 5 ans maintenant, Montpellier a été la dernière équipe à battre le PSG en Coupe de France. C'était en janvier 2014. Je vais vous demander les joueurs qui ont participé et ainsi que les entraîneurs si vous les avez. On va commencer. Ouais. Du match. Okay. Il y a eu 2 changements à Montpellier, 3 à Paris. 2014. On commence avec Tim. Hein? Sur les joueurs, il y a eu que 3 changements? 2 à Montpellier, 3 à Paris. En tout, il y a 27 joueurs qui ont joué. Ouais. C'est pas énorme. Titulaire ou. Les remplaçants aussi. Qui sont rentrés du coup. Ok, Thiago Silva. Thiago Silva, c'est bon. Hilton. C'est pas bon. Aïe aïe aïe. Il était où? Il était pas là. Il était au Brésil en vacances. Il était pas là, Hilton. Motokala, ouais, il s'appelle pendant le carnaval de Rio. Éliminé, Guillaume. Ah, elle est dure celle-là. Cabella, c'est bon. Henri Bédimo. Henri Bédimo, c'est pas bon. Il était parti déjà. Il est déjà parti. Putain, j'en avais d'autres. Romain éliminé. Et Bialès éliminé. Daniel Congré. Daniel Congré, c'est bon, il marque. Geoffrey Jourdain. C'est pas bon. Yes. C'est Osun, mon Timmy. Du coup, il reste qui là du coup? Il reste. Du coup, c'est à Michel. Et mon Mich. Eh ben dis donc. Voilà, Mars, c'est du gars, c'est tu dois faire la diff là. Grave. Mon Zlatan. Zlatan Ibrahimovic, il rentre. C'est bon. Il y a la 90e. Ça va être le gong. Comme un avertissement. Il rentre à 66e. Pionnier. Laurent Pionnier, c'est bon. C'était celui qui me manquait finalement. C'était le second. Ouais, second couteau. Blaise Matuidi, non ? Blaise Matuidi, c'est bon. Ah, oui. Il y avait plein d'évidences chaque fois. Tu dis ça après. Aïe, aïe, Mbappé, mec, Souleymane Camara. Souleymane Camara, c'est bon. Il est toujours là. Hein. Ouais. Dans 10 ans, il marche encore la question. Hein. Camara, yes. Allez, les gars. 2 points pour la victoire. Hein. Ronaldinho. Ton poula. La poula est dead. Non, il y est pas. Ah bon? Ah non, il y est pas. 5 secondes. Allez. 4. Ah oui, non, il y a là des faciles. Là, je l'ai pas. Titi, allez, Cavani, mais non. Cavani, c'est bon. Eh oui, bien sûr qu'il y est Cavani. C'est lui qui marque. Eh oui. Vanderbilt. Vanderbilt, c'est bon. Ah putain, il est gêné en plus. Maxwell. Maxwell, c'est pas bon. Ah, aïe, Maxwell, aïe, il rentre pas. Il est sur le banc. Putain, il est sur le banc. Il reste Duchesne, Marquinhos, Dini, Menez, Verratti, ouais, Lucas Moura, Montagno, Stambouli, Saï, El Kantari, Siaka Tiene, Mathieu Deplagne, Joris Marvaux, Morgan Sanson, Erwin Onganda et Thiago Motta. Belianda, je l'avais vu. Victoire, non, égalité, Romain, Tim, mais bon, je crois qu'on n'a pas le temps de. Ah, ça va être compliqué de nous départager, effectivement, mais bon, exceptionnellement, on va partager les points. C'est un bon match nul, quand même. Oui. Voilà. On est venu pour le point qui nous était acquis. Je penserai longtemps à ce cher Britannique Adam Yates. Ah oui. Ah, il va pas endormir de la nuit. Merci à lui. Et du coup, on passe très vite à l'agenda pour terminer notre émission, messieurs, avec tout d'abord le cyclisme, parce que je vois que pas grand monde autour de moi est prêt. avec le Tour de Romandie en Suisse, donc traditionnelle préparation du Giro d'Italia 2019 à partir de demain et jusqu'au 5 mai prochain. Donc ça, c'est pour le cyclisme. Dans les autres sports, j'ai noté beaucoup d'événements en Espagne. Bon, je laisserai Tim sur le tennis, bien sûr, mais la manche de Coupe du Monde de Madrid en triathlon le week-end du 4 et du 5 mai, ou encore en MotoGP, le GP d'Espagne à Jerez de la Frontera le dimanche 5 mai prochain. Tim m'a dit qu'il était prêt, le tennis. Alors chez les hommes, c'est sur terre encore, puisque la saison continue, tournoi d'Estoril et Munich de 250, et chez les femmes, c'est Prague et Rabat au Maroc. Et puis on passe au rugby avec Jules. 24e journée de top 14, on aura Stade Toulouse-Impô, Grenoble-Agen, Clermont-USAP, La Rochelle-Toulon, Lyon-UBB, Racing Stade Français, le derby, et enfin Castres-MHR. Et le football? Oui, avec la Ligue des Champions qui reprend cette semaine. Demain, on a Ajax-Amsterdam face à Tottenham. Et mercredi, on a le choc de ces demi-Liverpool, enfin Barcelone, qui reçoit Liverpool. Jeudi, les demi-finales d'Europa League avec Arsenal-Valence et Francfort-Chelsea. Et enfin, les championnats qui reprennent ce week-end avec, je crois que c'est vendredi, oui, Strasbourg qui reçoit Marseille. Samedi, on a le Bayern qui reçoit Hanovre pour peut-être confirmer le titre. Liverpool qui se déplace à Newcastle, l'Espagnol Barcelone qui reçoit l'Atlético Madrid et le nouveau champion le Barça qui se déplace à Vigo. En France, on a PSG Nice et en Italie, j'ai oublié, vendredi, on a Juventus Torino, le derby de Turin. Et dimanche, on a aussi Manchester City en Angleterre qui reçoit Leicester. Très bien, et enfin la NBA avant de donner les affiches Montpellier-Rennes avec le deuxième tour de playoff. Si vous avez déjà un rendez-vous à l'ouest, moi je vous donne le match 3 à l'est entre Philadelphie et les Raptors. Match 2 plutôt, non? Non, 3. Non. Et non, ce sera le match 2. 2 ou 3. Bah, 2, sinon, t'étais déjà sur le 3 qui a dû être programmé. Mais 1-0 Toronto. En tout cas, effectivement, oui, 2, excusez-moi. Donc, l'affiche à suivre, Philadelphie. Donc voilà, ce sera jeudi soir. Ce sera, je pense, le tournant de cette confrontation de cette série qui est celle qui m'intéresse le plus, donc ça sera à suivre. Je parle juste de la boxe parce que très c'est rapidement. Un des combats les plus attendus de l'année. Vas-y. Sur un poids moyen, donc Canelo Alvarez, le mexicain chouchou de Golden Boy, va mettre ses ceintures en jeu contre le numéro 3, on va dire, de la catégorie, qui est Daniel Jacobs, Donc voilà, c'est les trois se seront affrontés. Golovkin avait gagné contre Jacobs, Golovkin avait perdu contre Canelo, et donc Canelo maintenant affronte Jacobs dans un des combats les plus attendus de l'année pour le Cinco de Mayo, qui est une fête spéciale au Mexique. Donc ça se déroulera par contre là à Las Vegas dans la nuit de samedi à dimanche. Turbine pour savoir. Tu fais bien de le signaler, étant pressé, j'allais oublier de te donner la parole sur la boxe. Tu as bien fait de me couper les rendez-vous importants du côté de Montpellier avant de conclure cette émission. Mardi soir, le MHSC reçoit le Paris Saint-Germain au stade de la Mosson à 19h dans le cadre de la 34e journée et recevra ensuite Amiens le dimanche après-midi à 15h. Samedi, le MHR se déplace au stade Pierre-Antoine du Castres Olympique à 18h pour un match décisif dans la course au barrage du top 14. Le MHB reprendra la compétition seulement le mercredi 8 mai. Le BLMA sera quant à lui opposé, on en a parlé un peu plus tôt dans l'émission, en demi-finale retour de LFB au Tango de Bourges, championnat en titre au Palais des Sports de Latte demain à 20h45. Donc deux gros matchs demain soir pour la ville de Montpellier entre le MHSC et le BLMA. Le MWP se rendra à Strasbourg le 11 mai mais recevra avant le 8 mai donc l'équipe alsacienne. Le MHSC féminin recevra dans le cadre de la dernière journée de Ligue féminine le LOSC le samedi 4 mai prochain à 14h30 dans le cadre de la 22e et dernière journée de championnat. Enfin, dernier club montpelliérain, le MRC féminin recevra le FC Grenoble en quart de finale du top 16 au stade Sabaté dimanche à 15h pour une place en demi. Et avant de se quitter et de lancer le live de la soirée, Tim, ton petit tips pour nos auditeurs. J'ai fait un petit combiné foot qui mélange championnat et européen surtout. Alors mon premier match c'est Montpellier-Paris, je mets victoire du PSG, je vois bien un sursaut du PSG qui se réveille. Tottenham-Ajax, je mets les deux équipes marquent, juste, je prends pas de risque. Et ouais. Arsenal-Valence, je vois bien Arsenal gagner quand même à domicile. Et Eintracht-Frankfurt-Chelsea, c'est le dernier match et là je vois bien un match nul. Voilà, ça me fait une cote à 18, c'est pas mal. Intéressant effectivement à tester donc les tips de Tim à retrouver chaque semaine. Je vous remercie tous et toutes de nous avoir écoutés, puis à vous mes chillers d'être venus. Merci à la technique aussi pour la gestion de cette émission, merci surtout qu'il y a eu quelques petits changements de dernière minute. Merci à Tom, je vois qui passe ça, derrière. On a un petit peu débordé effectivement, la présence d'un ancien, ça y rajoute. On se cache pas. Ça remet du bon cœur, ça rappelle des bons souvenirs, j'espère. On vous retrouvez les programmes de Radio Campus Montpellier avec un live à suivre. D'ailleurs, je n'ai pas le nom du live. Pizzetto, effectivement. Pizzetto qui suivra donc en live, donc live Divergence on dit, donc effectivement à suivre sur Radio Campus Montpellier. Je vous remercie pour cette émission et puis Flo pour sa confiance, et tout de suite on se quitte avec le son de la semaine. Non, ce n'est pas le Stade Rennais mais ça aurait pu l'être. C'est la victoire de Julien Alaphilippe qui remporte sa deuxième flèche wallonne mercredi dernier. Bonne semaine à tous et merci encore, à la semaine prochaine. Bye guys. Merci à vous. On a vu beaucoup Mollema aussi pour l'équipe Trek. On n'en a pas parlé beaucoup du Néerlandais, mais attention, il est là aussi Mollema. Sixième l'an dernier. Là, le virage à gauche et là Laurent va rentrer dans les pourcentages. L'accélération de Fulsang. Jacob Fulsang est là. Qui tente le coup de loin. Et Julien qui est en cinquième position, qui est en train de se replacer avec Valverde, dans sa roue. Qui a la maîtrise, c'est plus dur pour Romain Bardet. Voilà, Julien qui est en train de revenir dans la roue de Michal Kwiatkowski. Ouais, il faut attendre. Il est parti de loin, Et allez, on va revenir sur quasiment peut-être la revanche de l'Amstel entre Jacob Fulsang. Ça y est, il est en train de faire son effort. Julien Alaphilippe, ils sont en train de faire le trou, ces deux-là. Fulsang, Alaphilippe qui se sont détachés. C'est un peu plus dur pour Kwiatkowski. Il va le faire, Julien, il peut le faire. Allez, pour une deuxième couronne, pour une deuxième victoire ici, en haut du mur de Huy. Julien Alaphilippe et la revanche de ce qu'on avait dimanche. Les deux hommes se sont... Il y a le punch, Julien, il peut le faire. Se sont neutralisés dimanche, ils se sont fait perdre. Et là, pas question de les perdre. Ça y est, Julien Alaphilippe qui est en train de bondir son effort. Et il y a derrière Michal Kwiatkowski, mais c'est dur. Et Jacob Fulsang qui va y aller. L'accélération de Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe qui va essayer d'aller chercher la deuxième victoire de sa carrière sur la flèche wallonne. Julien Alaphilippe qui va. Et victoire de Julien Alaphilippe. Bravo. Le roi de Huy, la deuxième de sa carrière. Il rejoint dans l'histoire du cyclisme français Bernard Hinault et Laurent Jalabert. Bien joué. La revanche de Julien Alaphilippe. Troisième, Michal Kwiatkowski. Non, c'est Ulissi.